Bonsoir, bonsoir. Vous vous trouvez de nouveau sur Tranche d'Anard, comme tous les vendredis soirs, de 21h à 22h30. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va un peu dépasser et on commence toujours en retard, comme d'habitude. Donc, ce soir, nous faisons une émission un peu spéciale. Comme c'est la journée internationale des femmes, on va traiter du thème assez difficile du viol. Voilà, donc nous avons demandé la participation de quelques personnes. Nous avons dans le studio 1, 2, 3, 4 femmes, plus Axel et Hans, qui sont de Tranche d'Anard. Et il y a ici Halia Djelloul, qui va probablement nous parler, elle est partie 2 mois en Égypte, et nous parler du viol de ce qui s'est passé en Égypte, qui se passe actuellement en Égypte, problèmes des femmes sur la place Tahrir et tout ça. Il y a Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous lire des extraits d'un livre de King Kong Théorie de Virginie Despentes. Et si vous êtes sage, et je suis sûre qu'on sera sage. Les femmes en flagrant délit d'indépendance de Gail Faitherson. Merci. Lydia. Oui. Voilà, qui va nous... Alors, en fait, je vais parler de Carol Pateman et de son bouquin « Le contrat sexuel oui. ». Et un peu plus tard, d'un dossier du journal La Brique de Lille. Ok. Et puis d'autres choses. Voilà, et puis d'autres choses. Et nous avons nos deux hommes, là, qui sont là. Et nos trois hommes, pardon, excuse-moi. Quatre. Je t'ai oublié. Ah, il y a lui aussi qui est là derrière. Il y en a un quatrième qui se cache. Et donc, il y a Axel, qui aujourd'hui laisse un peu la place pour sa discothèque, mais qui a apporté quand même des disques de femmes. Hans, qui est là pour nous soutenir, qui est... voilà. Nous avons aussi Sarah, qui probablement interviendra aussi, qui fait partie du même groupe que Elodie et Ralia. Et Serge à la technique, comme d'habitude, et moi-même. Voilà. Donc, effectivement, nous allons parler donc de ce thème qui est le viol. Le viol, c'est quand même un fléau quand même important. C'est un fléau mondial parce que c'est pas uniquement dans nos contrées européennes ou belges ou ailleurs, mais c'est aussi dans le monde entier que le viol se perpétue et qui prend des ampleurs en plus, une ampleur de plus en plus considérable. On va d'abord essayer de parler du viol individuel et en fin d'émission, voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du viol de masse, qui est aussi important et qui, par rapport à toutes les situations de guerre et de révolution qui existent, il y a des répercussions quand même extrêmement importantes et on n'en parle pas beaucoup. On va vous dire d'abord qu'est-ce que le viol au regard de la loi. Alors, quelle est la définition du viol pour la loi? La loi, c'est tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, c'est-à-dire lorsque l'acte est imposé par la violence, la contrainte ou la ruse, ou encore lorsque l'acte est rendu possible suite à une infirmité ou à une déficience physique ou mentale de la victime. Ça, c'est l'article 375 du Code pénal. Alors, la loi belge, puisque nous sommes en Belgique, reconnaît le viol comme un crime, mais il n'est passible de la cour d'assises que depuis 1989. Alors, le viol, donc, c'est... Le viol, on n'en parle pas beaucoup. Et il y a une espèce de silence sur tout ce qui concerne le viol et les violences sexuelles. Le viol, c'est un déni d'une personne. C'est une attaque à l'intégrité d'une personne, capable de la détruire et de détériorer le sens de son identité. Alors, c'est un acte barbare qui empêche la victime de pouvoir s'exprimer et qui engage un vécu traumatique important. Attendez, oui, c'est ça, que la personne qui a eu qui a été violée a souvent laissé son sentiment d'existence. Alors donc c'est un sentiment d'intrusion physique et psychique insoutenable. Les conséquences pour la victime sont extrêmement importantes. Manquement au respect du corps de l'autre, envahissement complet de toute la personne, une perte d'identité et de repères, modification de l'image de soi et de celle de l'autre, une perte de confiance en soi, difficulté de se repérer comme sujet respecté. Et c'est un tournant dans la vie de la victime, car il y a toujours un avant et un après le viol. Alors, quelques chiffres pour illustrer ça. Donc, dans le monde, d'après ce que j'ai pu récolter, il y a 903 viols par jour, soit 329 708 viols par an déclarés. Parce que le viol n'est pas toujours déclaré, les personnes ne portent pas souvent plainte. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a peur, parce qu'il y a honte, parce qu'il y a. Il faut savoir que dans le viol se commet, surtout dans les viols individuels, le viol se commet principalement, en grande majorité, les personnes qui sont violées connaissent leur violeur. Donc ça se commet dans les familles, ça se commet dans les institutions, ça se commet dans les lieux publics aussi. Mais ce n'est pas les plus importants. C'est souvent auprès d'un médecin, auprès d'un parent, auprès d'un. Et donc, il y a une espèce de silence là-dessus qui est quand même assez grave. Que les gens n'osent pas parler de leur viol, ils ont peur, ils ont honte d'eux-mêmes. Voilà. Et il faut savoir aussi que. En Belgique, le nombre de viols dénoncés auprès de la police a augmenté de 20% depuis entre 2009 et 2011. Que, faute de preuves, près de la moitié des affaires ont fait l'objet d'un classement sans suite. Et entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2011, les parquets ont été saisis de 11 170 170 affaires de viols. Alors, et en 2011, on dénotait 11 dénonciations de viol par jour. C'est quand même assez énorme. Alors, sur 50% d'inculpations, il n'y a eu que 4% de condamnations. Alors qu'en Autriche, il y a 18% et en Suède, 10%, ce qui est peu par rapport au nombre de viols par jour en Suède, qui est 264. En France, il y a 8458 viols déclarés, mais leur nombre réel est supérieur, puisqu'il y a plein de viols qui ne sont pas déclarés. Oui. Simplement, pour compléter donc dans le bouquin, donc les femmes en flagrant délit d'indépendance. En Europe, la cause première d'invalidité ou de mort chez les femmes âgées de 15 à 44 ans est d'avoir été agressée par un homme. Dans l'Union européenne des années 90, 600 femmes par an sont tuées par des hommes, 6 par mois en France. Au niveau mondial, on estime que les femmes perdent 9,5 millions d'années de vie par suite des violences des hommes à leur encontre. Merci. Et en plus, il faut savoir que le viol se perpétue dans toutes les couches sociales, que ce soit les couches aisées comme les couches populaires, que le viol atteint, enfin, s'adresse à des femmes de tout âge. Ça peut passer des enfants aux vieilles personnes. Mais on va éventuellement passer à un interview d'une psychologue qui nous a expliqué un peu tout ça, qu'on a interviewé à la Free Clinic qui se trouve à Ixelles et qui s'appelle Katinka Inzans et qui nous a éclairé sur ce problème. Voilà, je voudrais. Voilà, bonjour. Donc, nous sommes ici dans le bureau à la Free Clinic. Donc, dans le bureau de Katinka, qui est psychologue. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Oui. Voilà, allez-y. Voilà, donc, effectivement, je suis psychologue dans ce centre de planning familial hollandaise. Ça fait 21 ans que je travaille ici. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine des conséquences de violence. Donc, mon tout premier boulot, quand je suis arrivée en Belgique, et donc c'est déjà il y a longtemps, en 85, c'était dans un centre latino-américain avec des réfugiés politiques qui étaient victimes de torture. Donc, j'ai travaillé quelques années là. Et ensuite, enfin, de peu à peu, je suis venue dans le monde du planning familial, où j'accompagne, entre autres, des femmes qui viennent avec une demande d'avortement. Et dans les entretiens pré-avortement, nous rencontrons quand même régulièrement des femmes en situation où il y a eu des rapports sexuels sans consentement, sans qu'elles appellent ça viol. Oui, carrément, des femmes qui ont été violées et qui se reconnaissent aussi comme telles, victimes de violences. Voilà, je voulais vous demander pourquoi le viol. Parce que c'est quand même un sujet, en fait, actuellement, le viol existe, le viol est un crime, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y a énormément de personnes qui se font violer, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'elles ont peur. Ouais. Surtout les victimes, elles ont peur d'aller au-delà d'une démarche éventuellement judiciaire. Pourquoi actuellement le viol? Est-ce que c'est le phénomène d'une société très patriarcale de domination ou est-ce que c'est autre chose? C'est une question qui me pose, qui me tracasse. Oui. Bien sûr que le viol est une expression quand même assez spécifique d'une société où effectivement les relations sont hiérarchisées, que ce qui est masculin, que ça soit plus valorisé de ce qui est féminin. C'est aussi, il y a aussi beaucoup plus de viols dans tous les pays où on croit que c'est nécessaire d'avoir des militaires et enfin, où on tient compte de la possibilité d'une guerre ou qu'il y a, on est dans une situation de conflit armé, parce que c'est justement, enfin, dans ce type de pays, on valorise une certaine valeur masculine pour, enfin, qui ont beaucoup à voir avec une dénigration de ce qui est féminin. Et oui, donc là, on peut plus facilement passer à l'acte. Et pourquoi maintenant c'est un sujet important? En fait, le contexte ici en Belgique actuellement, c'est qu'on est en pleine négociation pour le nouvel plan d'action national de violence faite aux femmes. En fait, je crois que c'est maintenant le troisième ou quatrième plan d'action, je ne me souviens plus exactement. Et jusqu'à maintenant, on n'a vraiment jamais consacré un vrai chapitre au viol. Donc ça a été relevé comme manquement dans le plan d'action précédent. Et donc les mouvements de femmes ont réagi. Et il y a une commission aussi qui a été créée via la... Le nom m'échappe aussi, la commission, le Conseil des femmes francophones Belgique, voilà, je me souviens maintenant, qui a créé une commission où elle a invité des représentants de la justice, de la police, du monde médical, du monde associatif, pour notamment faire un état de lieu de ce qui se passe en Belgique par rapport au viol, et qu'on s'est rendu compte que oui, dans la prise en charge, il y a énormément de manquements. Et oui, il faut faire quelque chose, et donc il y a des recommandations qui viennent d'être écrites. Et donc, je pense que c'est quelque part donc très logique et très juste que maintenant, autour du 8 mars, il y a une mobilisation par rapport au viol. Non, mais c'est bien. Je sais qu'au niveau de la loi, il y a, au niveau des atteintes, il y a le viol qui est considéré comme une pénétration et l'attentat à la pudeur qui est en fait l'autre chose, qui n'est pas... Voilà. Mmh. Et donc, au niveau de la loi, il y a quand même, et j'ai lu, enfin bon, dans mes recherches que j'ai faites, qu'en fait, le viol est considéré comme un crime que depuis, et passif de la cour d'assises, que depuis 1989. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est quand même pas très tôt, parce qu'il y avait quand même pas mal de femmes qui, avant 89, devaient subir des sévices sexuels importantes, ouais. Et donc... il y a quand même peut-être une prise en charge, mais ce qui est quand même assez choquant, c'est que d'après tout ce que j'ai pu lire, c'est que c'est toujours aux victimes de faire la preuve de leur de faire la preuve de leur viol, en fait. Et vous avez sûrement lu dans la presse dernièrement ce cas hallucinant de cette fille qui s'était fait violer, qui a fait des tests, qui a eu recours au 7 des agressions sexuelles et qui a eu des erreurs de procédure, etc. Et après qu'elle avait été condamnée, elle a payé la procédure. Ouais, enfin, heureusement que ça a été revu, ouais. Mais c'était quand même hallucinant que ça c'est possible dans notre société. Mais oui, vous avez raison que, effectivement, de ce qu'on voit dans le milieu associatif, qu'il y a un décalage énorme de ce qui se passe au niveau des poursuites des auteurs. Et en fait, la Belgique a même été tapée officiellement sur les doigts de la part de UN Women, donc cette instance des Nations Unies qui s'occupe de la question des femmes. Et en fait, la Belgique figure parmi les pays où il y a le moins de condamnations pour viol. Oui, parce qu'en fait, tu disais que, en fait, il y avait, parce que je suis allée dans les locaux de SOS Viol il y a 3 jours, et ils me disaient qu'il y avait quand même 8 viols par jour en Belgique, et ce qui est quand même assez énorme, et qu'il n'y avait que 4% de ouais. condamnations. Il y avait 50% de plaintes, mais 4% de condamnations réelles en Belgique. Ouais. Moi, je crois même, enfin, pardon de le dire comme ça, pour moi, je suis même étonnée de ce chiffre de 50% de plaintes. J'ai l'impression, dans ma pratique, que c'est vraiment moi qui a un pourcentage plus petit encore de plaintes. Mmh. Et effectivement, de toutes ces plaintes, qu'il y a seulement 4% où il y a une condamnation. Et ça, c'est effectivement hallucinant. Ouais. Mais est-ce que la condamnation résout le problème du viol? Est-ce que, justement, chez les femmes, est-ce que ça résout tout? Non. Moi, je pense que non, parce que bon, c'est quand même une violence très intime au niveau de la femme, et je pense pas que la condamnation apporte quelque chose. Déjà, c'est difficile d'en parler, et c'est difficile d'aller au bout, je sais pas si la condamnation résout tout. Non, ça, effectivement, ça ne résout pas tout. C'est aussi, quelque part, un peu le top du iceberg, mais c'est en tout cas un signal aux auteurs qu'ils font quelque chose qui est punissable et qui est en aucun cas à justifier. Donc, je crois que ça, c'est important comme signal. Mais bien sûr, dans tout ce il faut beaucoup plus de possibilités de prise en charge des auteurs d'éducation des abus sexuels, parce que effectivement que c'est pas en prison comme ça qu'on va changer le comportement, hein, ça. Enfin, l'être humain est connu pour ça. C'est pas via des blessures qu'on change de comportement. Sinon, il y aura même aussi, il n'y a plus personne qui fume. Mais il faut d'autres types de messages aussi. Il y a des associations en Belgique qui font vraiment un très chouette boulot par rapport aux auteurs de violences sexuelles. Mais si on entend le nombre des auteurs qu'eux, ils reçoivent par an, c'est hallucinant. Rien à voir avec le nombre de viols. Et aussi, un autre volet, c'est la prévention justement ne pas arriver à des viols, des changements de prévention primaire, apprendre aux garçons et aux filles d'autres rapports de respect, d'égalité entre eux. Et je pense, par exemple, dans le domaine dans lequel moi je travaille, le planning familial, qu'on peut jouer un rôle, qu'on devrait jouer un rôle là-dedans, parce que c'est nous qui allons dans les écoles et que nous faisons des animations en éducation affective et sexuelle. Et bien sûr, là, on parle de respect entre partenaires, négocier un rapport sexuel. Si quelqu'un dit non, il y a peut-être ne dit pas non, peut-être il y a d'autres signes qui font qu'elle dit non. Enfin, décoder des situations amoureuses, affectives, sexuelles autrement. Et déjà, c'est difficile pour les centres de planning familial et entre parenthèses aussi de PMS et PSE pour aller dans toutes les écoles pour de simples éducation à la sexualité. Mais ne parlons pas donc d'avoir du temps, des moyens pour aussi faire une prévention violence en général. En général, oui. Ouais. Et alors, il y a beaucoup d'interventions dans les écoles au niveau des. Les écoles sont demandeuses ou alors il y a un travail qui est fait au niveau de la. Mais déjà depuis la petite enfance ou. Enfin, je dis vers l'âge de 7-8 ans, peut-être que. Est-ce qu'on fait déjà des interventions dans les écoles au niveau des enfants pour leur apprendre le respect entre hommes, entre garçons et filles De plus en plus quand même. Ouais. Il y a de plus en plus des animateurs et animatrices qui font des écoles, donc des animations EVAS, éducation à la vie affective et sexuelle, et qu'on commence de plus en plus jeune, même déjà avec des enfants de 6 ans, et où on parle, bien sûr pas quand ils ont 6 ans de sexualité, mais de connaître son corps, de connaître des limites, qu'est-ce que sont des Des caresses agréables, qu'est-ce qui n'est pas agréable, qu'est-ce qu'il faut, comment peut-on solliciter les caresses, quand faut-il dire non, enfin, hygiène de corps, et effectivement aussi la, apprendre à résoudre des conflits par les paroles. Et je pense que là aussi, par exemple, et c'est un rêve chez nous, animateurs et animatrices des planning familiales, d'aussi avoir plus d'outils par rapport à la communication non violente et enfin, d'apprendre ça aux filles et aux garçons. Et donc, à ce volet de votre question, quand vous disiez est-ce que c'est les écoles qui sont demandeurs ? Oui, oui, oui. En fait, ils sont très demandeurs, mais pas nécessairement toujours par rapport au viol sexuel, mais ils sont très souvent submergés par des questions de violence à l'école entre les élèves, que ça peut être le cyberviolence, le harcèlement, les relations entre filles et garçons en général, entre filles, entre garçons, et oui aussi dans des petits couples. Et oui, on est de plus en plus sollicité par les écoles, mais à nous, les animateurs et animatrices, il faut aussi des outils, on doit être compétente à pouvoir intervenir. Et donc, il y a justement, dans le réseau que moi je travaille, c'est avec la Fédération laïque des centres de planning familial, que par exemple, depuis l'année dernière, il y a une formation qui a été créée justement de sensibilisation et création stratégie d'intervention par rapport aux violences dans les relations amoureuses et jeunes. C'est un début, mais c'est déjà quelque chose. Oui, donc il y a une évolution certaine. Mais est-ce qu'il y a un support politique important par rapport à tout ça? Je trouve aussi que c'est beaucoup plus prononcé maintenant, le support politique, en tout cas déjà verbalement. Tous les différents cabinets d'égalité des chances, par exemple, si c'est au niveau fédéral, régional ou communal, il y a plus d'intérêt, plus de soutien. Les moyens doivent encore suivre, mais c'est quand même plus qu'il y a quelques années. Et est-ce que vous avez des rapports avec tout ce qui se passe en communauté flamande ? Non. En fait, moi, je travaille vraiment au milieu francophone. Mais je sais que là, ça bouge quand même aussi. Ok. Et j'ai vu que vous étiez vice-présidente du GAMS. Oui. De l'association qui s'occupe des mutilations sexuelles chez les Africaines, ouais. C'est ça? Oui. Vous pourriez nous en toucher deux mots? Oui. En fait, c'est quelque part le fruit d'une longue collaboration. En 1996, celle qui a fondé le GAMS, elle a à l'époque cherché des partenaires pour... pour pouvoir créer le GAMS, et elle est aussi tombée dans le centre de planning familial qui se trouve justement au plein milieu de Matongé, l'Afrique inique. Et donc elle s'est approchée de nous, on a eu plusieurs réunions avec elle, et on a commencé à faire des sensibilisations aussi pour médecins, pour travailleurs en planning général. Et vraiment comme ça, il y a une collaboration qui s'est créée et qu'on a collaboré pour construire des programmes, des animations, des formations. Et oui, donc c'est via ce biais-là que j'ai toujours le plaisir de collaborer avec le GAMS. Et vous pourriez nous expliquer le GAMS ? Oui, donc le GAMS, c'est le groupe... pour l'abolition des mutilations sexuelles. C'est une association donc, qui a été créée par les femmes sénégalaises, donc en partenariat avec des associations belges, notamment les collectifs Alpha et le monde de planning familial. Et ça a commencé, enfin, tout début, un peu de façon chaotique, de tout simplement aider les femmes qui venaient avec une demande, d'aider les femmes par rapport à leurs papiers, si elles venaient vraiment, qu'elles étaient venues en Belgique avec la crainte de poursuite à cause de mutilations ou de non-mutilations dans leur pays, qu'elles craignaient pour leurs enfants, où elle craignait une réexcision, une réinfibulation. Et de plus en plus, le GAMP s'est structuré et maintenant, ils ont un très chouette service psychologique, sociologique, font un grand travail d'animation avec ces femmes. Je trouve qu'elles créent des liens de solidarité et d'entraide entre les femmes d'une communauté ou de différentes communautés. Et je pense qu'elles font un très bon travail de prise en charge. Et donc le GAMS était surtout au début la lutte contre la mutilation sexuelle, mais qu'on s'est rendu compte que les femmes qui étaient excisées ou infibulées, en fait, donc c'était des femmes qui venaient des familles ou des communautés où il y avait tout un package de valeurs plus traditionnelles, dont le mariage arrangé, forcé, des femmes qui ont été obligées de marier avec des hommes qu'elles détestaient, de qui elles avaient peur, et donc qui, oui, effectivement, qui ont vécu leur rapport sexuel comme des viols. Enfin, pas qu'ils ont vu, c'était des viols. Mmh. Et donc, le GAMS aussi s'est penché de plus en plus sur les mariages forcés, et donc le viol dans les mariages, parce que ça aussi c'est un tabou énorme. La Belgique a depuis, enfin je ne sais plus exactement, a depuis un peu plus que 10 ans je crois, une loi qui condamne le viol marital, mais il faut savoir qu'il n'y a encore jamais eu une condamnation dans le cadre de cette loi. Il y a eu une condamnation pour viol marital en Belgique, mais ça c'était déjà bel et bien avant la loi. C'était une femme qui avait subi un accouchement très difficile et au retour à la maison, que son mari a exigé des rapports sexuels et que voilà, il a vraiment causé aussi des dégâts physiques très très forts. Mais c'est la seule condamnation qu'il y a eu. Mmh. Et c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile de dire oui, j'ai été violée par mon copain, par mon partenaire, par mon mari. Et aussi, parfois, il n'y a pas eu de violence physique, mais il y a eu d'autres moyens qui ont fait que la femme n'a pas osé refuser un rapport sexuel. Et oui, c'est un viol aussi. Mais là, il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire aussi auprès des femmes. Et des filles aussi, parce qu'on voit aussi dans les premières relations amoureuses et les premières relations sexuelles, il y a énormément de filles qui n'osent pas refuser le rapport sexuel car elles croient qu'elles vont perdre le petit copain. Et oui, c'est un viol aussi. Mais là, je dois quand même dire aussi encore autre chose. Et là, ça va me ramener de nouveau à l'importance des animations à la vie affective et sexuelle. Parce que oui, donc, il y a les filles qui n'osent pas refuser les rapports sexuels. Mais il y a aussi des garçons qui croient qu'ils doivent proposer et insister à des rapports sexuels parce qu'un garçon fait comme ça. Et que lui aussi... qu'il subit une pression par des pères ou par son éducation ou via les médias ou je ne sais pas quoi. Un homme, ça doit être viril, presque sexuellement tout le temps, et quand il a des besoins, il doit les assouvir. Et bon, bien sûr, c'est pas ça. Les hommes ne sont pas, tous les hommes sont des monstres. Il faut, c'est vraiment une, il y a une éducation, une sensibilisation qu'il faut faire auprès des filles, des garçons, auprès des jeunes hommes, des jeunes femmes, etc. Oui, mais en fait, c'est l'image de la femme et de l'homme qu'on montre dans la société, notamment par la publicité, par quand on voit toutes ces publicités pour des voitures, on voit des couples qui s'embrassent et l'homme viril et la femme soumise. Ouais. C'est quand même assez difficile, quoi. C'est, donc on est encore dans une société très, très, très, très machiste, en fait, et où le rapport de domination existe encore énorme. Ouais. Donc au niveau des enfants, il y a tout un travail à faire, je pense, à la base, notamment à l'école ou à la maison. Ouais. Si les parents sont prêts à le faire, d'éducation à ce niveau-là, je crois. Oui, tout à fait. Mm. Et donc aussi, il y a aussi le rôle important des médias. Ça ne va pas qu'on continue à véhiculer des images comme ça, et qui font des victimes des deux côtés. Oui. Ouais. Mm. Tu as une question, hein? Quelles sont les situations les plus dangereuses pour une femme en ce qui concerne la violence sexuelle? Les plus dangereuses. ça peut paraître étonnant, mais la plupart des situations de violence sexuelle se déroulent au sein d'un couple, au sein de la famille. Et donc, je ne vais pas vous répondre qu'elle doit éviter de sortir toute seule et d'entrer dans telle et telle rue en soirée ou la nuit. Parce que, bien sûr, il y a des risques là, mais ce n'est pas là où il y a le plus de danger. Je pense qu'il est important de justement de décoder, décrypter, déconstruire de ce qui se passe dans les relations affectives et d'amitié. Hein, donc, j'ai presque donc envie de dire que c'est là les situations les plus dangereuses pour les femmes. Et peut-être aussi, ce que les femmes doivent apprendre, qu'une stratégie qu'elles utilisent beaucoup, c'est-à-dire d'essayer de négocier, de parler d'égal à égal avec l'autre, d'essayer de raisonner. Donc une stratégie verbale, mais pas directif. Hein. Ça, c'est pas une bonne stratégie. Il faut elles doivent apprendre à faire un scandale, de faire du bruit, parce qu'il paraît qu'il y a un grand pourcentage de tentatives de viol et de tentatives d'abus sexuels qui se sont arrêtées avant l'aboutissement parce que la femme a hurlé, elle a interpellé des témoins, etc. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on doit apprendre d'utiliser cette stratégie de beaucoup plus souvent. L'association Garance, il y a quelques années, elle a fait une très chouette campagne. Elle a distribué, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, ce sont des petits sifflets plats, très forts, qu'on peut très facilement mettre dans la poche de son pantalon, etc. Même si on s'assied dessus, il n'y a rien qui va se passer. Donc, l'association Garance enseignait simplement aux femmes, si vous arrive une situation dangereuse, prenez votre filet, et ça fait un boucan pas possible, et ça perturbe l'auteur. Et parfois, effectivement, ça aide à arrêter la situation de violence. Raisonner, pleurer, d'essayer que l'autre va dire non parce qu'il sent de la peine pour sa future victime. Non, ça ne sont pas des stratégies très, très effectives. Et est-ce que vous croyez que les agresseurs qui commettent des actes de viol, est-ce que ce sont aussi des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions de violence en général Oui, trop. C'est un peu difficile à répondre. On sait que dans les programmes de prise en charge des auteurs de violences, effectivement, trois quarts viennent des familles où il y a eu violence aussi. Mais on ne peut pas dire que dans toutes les situations de violence dans une famille, qu'on est en train de créer des enfants qui vont devenir auteurs de violence après. Et je pense que ça aussi, pour beaucoup de femmes et des hommes, justement, le fait d'avoir été dans une famille pareille, ça fait qu'on ne veut justement pas ça et qu'on va faire autrement. Non, pour moi, ce qui est beaucoup plus dangereux sont, oui, ces messages dans l'éducation en général, qu'un garçon doit être viril, une fille doit être soumise. Pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a donc des relations de domination qui se créent et donc aussi des soi-disant permissions qu'on se crée pour justifier de pousser vers des actes sexuels, par exemple. Et j'ai vu que vous avez été en Afrique aussi. Oui. Et c'était au Congo, je crois. Non, j'ai pas été au Congo. J'ai oublié là où c'était. Mais je vais justement maintenant, mois de mars, pour la première fois dans le cadre du travail en Afrique. Et notamment dans des programmes de formation autour de la santé sexuelle et reproductive. Et oui, on va là toucher les problèmes de... bien sûr, des mutilations génitales féminines, parce que je vais dans cette partie-là d'Afrique où il y a une prévalence assez importante et où on parle de des rapports, des mariages forcés, etc. Mais en fait, par rapport à la RDC, inévitablement, ici à Matongé, on rencontre des femmes de la région des Grands Lacs et où déjà depuis malheureusement 20 ans, je crois, qu'il y a de plus en plus recours à l'utilisation de viols comme arme de guerre. Et oui, donc nous rencontrons des femmes qui sont victimes de ce type de violence-là. On voit vraiment que la façon de combat, donc l'occupation, l'occupation de terrain, c'est de plus en plus devenu l'occupation de l'utérus des femmes de l'ennemi. Et oui, là aussi, on gagne une guerre. Oui. Je pense qu'actuellement, dans toutes les guerres, ça a toujours été comme ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a un phénomène assez important. Mais quand on voit en ex-Yougoslavie, actuellement en Égypte, il paraît que ça se passe aussi très très très mal au niveau des femmes qui vont manifester sur la place Tahrir. Et en fait, le viol comme arme de guerre est un problème assez énorme actuellement dans les sociétés qui se révoltent. Quoi. Ouais. Et également, ce dont on commence à parler, c'est les viols correctifs. Le viol des lesbiennes pour les obliger à avoir des rapports sexuels avec des femmes et croire qu'on va comme ça changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. C'est lamentable. Et il y avait une question que je voulais vous poser aussi, c'est le viol par rapport aux hommes. Le viol des hommes, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui... le viol masculin. Oui, ça existe. J'ai rencontré ça dans ma pratique aussi. C'est rare, mais ça arrive aussi dans les couples homosexuels, par exemple, parce que, je crois que malheureusement, jusqu'à maintenant, dans tout type de relations de couple, dès qu'il y a domination et soumission, il y a risque de violence. Donc aussi auprès des garçons ça arrive. Il y a eu le cas aussi, enfin qui a été un peu médiatisé il y a quelques mois à Bruxelles, du jeune garçon après son baptême dans son cercle à l'UNIF, qui avait dû pour le spectacle, qui avait dû s'habiller en tant que femme, il sortait comme ça dans la rue et voilà, il a été violé en tant que sale homo, enfin des choses comme ça. Oui. Mais c'est quand même un phénomène qui existe aussi et dont on parle très très très peu en fait, et qui est très occulté et je pense qu'il doit faire aussi mal et qui doit être vécu en plus. Par rapport justement à l'homme, peut-être d'une façon extrêmement douloureuse, parce que c'est leur abaisser à un statut de quelqu'un qui est faible, qui est une sale femme en fait. Ouais. En fait, dans mon premier boulot avec les victimes de torture, donc au début, enfin dans les premières années des dictatures latino-américaines, on voyait vraiment des tortures, enfin physiquement très très très brutales, très horribles, enfin tout ce que vous pouvez vous imaginer avec la torture. Mais on voyait après une espèce de changement, que ces tortures devenaient de plus en plus de caractère sexualisé, parce que là, avec un viol d'homme, on arrivait beaucoup plus vite à casser quelqu'un qu'avec une torture physique abominable. Oui. Hein? Oui, malheureusement, c'est comme ça. Et là aussi, on voit le problème des hommes. Quand ils ont vécu des violences sexuelles ou des viols, ils n'osent pas en parler, qui n'osent encore moins en porter plainte. Hein? Parce que c'est la honte, ça se cache pour toujours. Déjà pour une femme, pour chaque personne, difficile. Mais pour un homme, c'est encore plus tabou à en parler. Et là, je reviens de nouveau à ce qu'on avait dit au début. Le travail de prévention, quelque part, dans l'éducation dans la famille, l'éducation dans les écoles, l'éducation sociétale, c'est là où il y a quelque chose qui doit changer. Et pour les filles, et pour les garçons. Il faut penser masculinité, féminité autrement. Il faut le valoriser autrement. Et je crois que, aussi avec les mouvements féministes, il y a vraiment... Donc je crois qu'il y a un élan à des femmes de... oser s'imposer plus, de valoriser ce qui est féminin aussi plus. Je crois que ça a aussi été fait pour des hommes, parce qu'on voit quand même, malgré tout, on voit de plus en plus des hommes qui prennent un congé parental, qui aiment bien s'occuper de leurs enfants, qui jouent, enfin, chouette. Mais donc, une certaine reconnaissance du côté féminin des hommes, on commence à le voir, mais qu'est-ce que c'est la nouvelle masculinité? Là, il n'y a pas de réponse. Je crois qu'il y a toute une génération des ados, des hommes qui sont perdus par rapport à leurs repères. Et je crois que là aussi, on a un devoir quelque part de recherche, de soutien, de travail à faire. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. on dit au revoir. Oui, au revoir. Ah. Merci pour l'invitation. Voilà, merci. Voilà, donc c'était l'interview de Katinka Insans, qui travaille à la Free Clinic à Ixelles et qui était en même temps vice-présidente du GAMS, qui est une association qui s'occupe des mutilations sexuelles. Voilà, principalement auprès des Africaines et tout ça. Donc voilà, Lydia, tu avais un commentaire à faire sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Je voulais juste réagir sur les non-lieux et les classements sans suite. Parce que les motifs, en général, il y en a quatre grands qui m'interpellent beaucoup, qui sont la répercussion sociale limitée, il faut qu'on m'explique, le délit d'ordre relationnel, voilà, encore une fois, c'est pernicieux, le jeune âge des violeurs et le comportement de la victime. Voilà. Merci. Donc nous avons que dans notre studio, nous avons Paulette. Ah pardon, il y avait la musique avant. Excuse-moi. Why am I not going to be able to do it? Bonsoir, nous nous revoilà sur Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Nous avons la chance, donc nous parlons toujours de la problématique du viol, et nous avons la chance ce soir d'avoir Paulette, qui fait une émission sur Radio Air Libre à Africa Djama. Bonsoir Paulette. Bonsoir Nicole, bonsoir à tous. Voilà, et j'aimerais, enfin nous aimerions que tu nous relates un petit peu ce qui se passe au Congo, au niveau justement du viol, un peu en aparté. Tu nous disais que le viol était un peu difficile à définir dans le République démocratique du Congo. Ça a toujours été difficile de définir ce que c'est qu'un viol, en tout cas pour un Congolais ou pour une Congolaise, parce que il n'y a aucune législation déjà qui existe par rapport à ce fait-là. Et au-delà de ça, faut savoir que les petites filles ont souvent côtoyé des adultes, sont sorties avec des adultes au vu et au su de tout le monde. Alors, est-ce que c'est considéré comme un viol? Lorsqu'on a 12 ans, 13 ans et qu'on est accompagné d'un monsieur qui a peut-être 45 ans ou 50 ans. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qui se passent au Congo en général. Maintenant, on parle beaucoup de l'Est, mais bon, à part l'Est, le viol, pour moi, il y a viol tous les jours au Congo, dans les villes, dans les villages et un peu partout. Et ce sont comme ça des situations qui sont tolérées. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas et on laisse faire. On laisse faire à tel point que les filles qui se prostituent parfois sur le grand boulevard ont à peine 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et que c'est encore bien d'avoir un monsieur qui s'occupe de cette gamine parce que c'est cette gamine qui va ramener de l'argent à la maison. Donc les parents sont plutôt contents d'avoir cette gamine qui se... livre non seulement à la prostitution, mais qui a peut-être qui est tombé peut-être sur quelqu'un qui pourra sauver la famille, sortir la famille des problèmes. Alors, moi je ne vis plus au Congo, mais ce que je constate aussi, c'est que je ne sens pas les femmes congolaises concernées par ce problème. Et si elles, je ne dis pas le Congo est très grand. Alors, lorsqu'on n'entend pas les femmes parler de ce problème, je trouve ça très, très grave. Lorsqu'on entend qu'une centaine de femmes en parler, et encore, Je trouve que c'est très peu par rapport à ce qui se passe réellement au Congo. C'est une horreur parce que je pense qu'elles vivent, elles savent très bien ce qui se passe dans ce pays parce que parfois leurs rivales sont tout simplement ces gamines-là. Donc voilà, donc je les trouve assez absentes par rapport à ce problème-là de viol. Et pourtant, les femmes qui sont de la diaspora, qui sont dans des pays en dehors, entendent parler de ce problème de viol. Et elles n'ont pas une conscience par rapport à ça. Mais les personnes qui parlent de viol en dehors, à 8000 km du pays, franchement, ça n'a aucun impact au niveau du pays. Oui, ça n'a peut-être même aucun impact, mais elles n'ont pas conscience de ce qui peut se passer dans leur propre pays quand même. Ah si ! Ouais. Ah si, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Mais maintenant, il faut maintenant se poser une autre question, c'est comment faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, je pense qu'il faut être sur place. Il faut faire déjà changer les choses, les mentalités des parents déjà sur place, des mamans sur place, les mentalités des jeunes filles. Peut-être aller leur demander pour elles comment est-ce qu'elles subissent déjà ces relations-là déjà. Comment dans leur quotidien, comment est-ce que ça se passe? Il faut que les choses changent sur place, franchement, au Congo, et non pas à l'étranger. Il faut aller rien chercher à l'étranger. Et ce que je remarque aussi, c'est que lorsqu'il y a ces viols dans l'est du Congo, et que, voilà, encore une fois, là-bas, ce sont les grands-mères qui sont violées, les enfants sont violés, les mamans sont violées. En fait, là, il n'y a pas, on s'occupe plus de l'âge. Et d'ailleurs, le violeur n'a pas d'âge non plus. Il a peut-être 80 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 40 ans. Alors, on entend parler de ces viols-là grâce à certains hommes, et pas grâce aux femmes. C'est quand même curieux que ce soit encore le monsieur, ce gynécologue qui a dû fuir à un moment donné la RDC et tout ça. C'est encore un monsieur, c'est lui qui s'occupe de ses filles violées depuis des années. Et on ne parlait même pas de lui, on a commencé à parler de lui que quand il a fui le Congo. Et on a découvert que, tiens, il y avait une personne qui s'occupait des femmes violées. Il faut savoir que les petites filles étaient déchirées, il fallait tout recoudre, il fallait faire des tonnes de choses parce que non seulement les violeurs utilisent des bouteilles, des bâtons, des tonnes de choses comme ça. Et bon, voilà. Et ce sont encore parfois les hommes qui en parlent, pas assez, mais bon, ce sont les hommes qui en parlent. Moi, j'aimerais bien que la femme congolaise se lève et tape du poing et demande au gouvernement de faire changer les choses, ou alors passe dans tous les quartiers et se dit, bon, voilà, au lieu d'aller en Europe chercher une solution à ça, qu'elle prenne son avion et aille dans les provinces et dans les villages voir déjà ce qui se passe et mettre quelque chose en place par rapport à ça. Il n'y a pas d'association sur place qui s'occupe de tous ces problèmes de violence sexuelle dans la République du Congo ? Moi, je n'en connais pas. Si elles existent, en tout cas, je ne les connais pas. Je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas du tout, à part ce monsieur, ce gynécologue-là, dont j'ai oublié le nom. Et pour toi, pourquoi il y a ce silence des femmes justement par rapport à ça? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par honte? Est-ce que c'est par peur d'être rejetée de la communauté? Est-ce que c'est par les adultes qui ne parlent pas? Oui. Mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'elles ont subi comme ça un truc qui se passe dans leur tête et qu'en fait elles regardent sans réagir et que voilà, ça a toujours été comme ça, date pas d'aujourd'hui, hein. C'est un truc vieux au Congo. Moi j'ai jamais entendu, je suis née là-bas, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre ou une jeune fille se plaindre d'avoir été violée ou ce genre de choses, hein. J'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs et que voilà, tout le monde vit la situation et laisse vivre la situation et personne n'en parle et personne ne s'en plaint. Et personne ne s'en plaint et voilà, et ça se passe comme ça. Et les personnes, les Congolais qui sont ici de la diaspora sont évidemment au courant de tout ce qui se passe là-bas. Mais ce que je constate parfois, c'est que ce sont ces mêmes Congolais, hommes, qui partent quand même au Congo pour se taper aussi des petites filles. Oui. Ah bon, donc voilà, donc finalement... même celui qui est ici, je ne dis pas tout celui qui est ici, mais on remarque aussi que celui qui est ici se livre à ce genre de pratique. Donc finalement, avoir des relations avec une petite fille, on se dit c'est très facile. C'est un peu comme ceux qui partent en Thaïlande et qui se disent que bon, voilà, pour le Congo c'est pareil. Et c'est en tout cas, le problème ne s'est jamais posé à grande échelle. Il n'y a pas de législation par rapport à ça. Aucune législation par rapport à ça. J'ai essayé de voir encore. On parle, on fait des longs discours par rapport au viol sexuel, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun article qui condamne. Le viol, aucun. Alors, ils en parlent, oui, c'est vrai que sur la page, avant d'arriver même au terme viol sexuel, on nous parle de tonnes de choses et tout ça, mais il n'y a rien qui condamne un violeur. Tout simplement parce qu'on ne sait pas, un viol, c'est au Congo, un viol est considéré comme viol à partir de quel moment ? À partir de quand est-ce que c'est... Et puis, il faut voir aussi, on a parlé tout à l'heure de la réaction des victimes. Parfois, ce sont les victimes qui se posent la question aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on arrête ce monsieur-là, parce que, bon, elle était consentante, mais elle n'est même pas... on ne lui a jamais dit qu'elle ne pouvait pas avoir des relations sexuelles avec un vieux monsieur ou un monsieur qui a tout simplement peut-être 5-6 ans de plus et surtout pas à 12-13 ans. Et moi, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, Mobutu avait descendu la majorité de la fille à 16 ans. Mais ah oui. C'est pourquoi ? C'est tout simplement pour que justement toutes ces pratiques-là ne soient pas punies. Alors, hein, voilà, donc on peut encore, on se dit, bon, limite 16 ans, 17 ans, c'est comme ça qu'il y a des filles aussi qui prétendent avoir 16 ans pour pouvoir rester en ville ou pouvoir sortir. Mais bon, moi, je suis quand même assez pessimiste par rapport au Congo et par rapport au viol des femmes, au viol des filles et au viol tout court. Simplement pour abonder dans ce sens, on a dit que la situation des femmes était un universel, donc en tout temps, en tout lieu. Et il y a quelque chose qu'on remarque, c'est que justement, en fait, les hommes savent très bien ce que c'est le viol et c'est pas ce qu'ils font. C'est les autres qui violent. Le viol, c'est tout à fait autre chose. Eux, ce qu'ils font, c'est quelque chose, mais c'est pas le viol. Et du coup, ils se sentent jamais concernés. Exactement. Ben voilà. C'est tout le temps comme ça. Et le gouvernement actuel, je ne le connais pas bien, mais celui de Mobutu, s'il faut bien les... il faudrait presque tous les prendre et les mettre en prison. Parce qu'à l'époque, il fallait... chacun avait toujours sa petite maîtresse quelque part et qui avait en général l'âge de sa fille. Je voulais te poser une question par rapport... en Afrique, il y a eu... pas forcément au Congo, mais dans toute l'Afrique en général, il y a le problème des enfants soldats qui violent les femmes et tout. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Les enfants soldats, déjà pour qu'ils tiennent, ils sont drogués, d'accord ? Et alors, ils font ce que les adultes font. Et alors, ils leur disent, voilà, si tu veux être un bon soldat, regarde-moi faire et... c'est ce que tu dois faire. Et le petit, il passe tout son temps à se droguer, à boire. Il a 9 ans, il ne connaît que ça. Ou bien, il n'a plus ses parents. Il se dit, tout compte fait, c'est mieux d'être avec eux que d'être tout seul, je ne sais pas, dans la rue, au moins. Et voilà. Et alors, on lui dit, ben voilà, les adultes lui disent que c'est comme ça que ça se passe et qu'il faudrait le faire comme ça s'il veut faire partie des grands. Et comme il a une arme et l'uniforme, ça fonctionne. Voilà, ils sont embarqués là-dedans, mais encore une fois, un petit grand pays, il n'y a rien. On a tendance toujours à se dire, voilà, la communauté internationale, il faut voir avec la communauté internationale et la communauté comme si la communauté internationale allait descendre sur le Congo ou dans n'importe quel pays et arranger les soucis des habitants. C'est complètement faux. Je pense qu'il faut vraiment qu'un gros travail soit fait vraiment sur place. Sur place, il existe sûrement, certainement, des personnes qui s'en occupent, mais... il y a tellement de femmes violées, mais bah, allez, je veux dire, même ce médecin, il ne pourrait pas s'occuper de toute la région de l'Est. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des personnes, des enfants, des mamans, des grands-mères qui continuent à être violées, mais il ne pourra pas s'en occuper, puisqu'il s'occupe déjà des cas assez difficiles. Et pourquoi il était obligé de partir ? Parce que il a reçu des menaces de mort. Mais de la part de qui ? Ah, de la part de qui ? C'est une bonne question. De la part de qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a été inquiété, puisque les militaires s'approchaient de sa maison et tout ça, donc il a dû partir. Donc il y a quand même une volonté de laisser tout ça sous silence. Voilà, quelque part, voilà. Donc, et s'il part et qu'il n'en parle plus, parce que maintenant il fait des conférences un peu à gauche, à droite, peut-être que maintenant que la communauté internationale n'a pas attendu ce médecin pour être au courant de problèmes des viols en RDC. Donc peut-être que s'il en parle un peu plus, ou que, je ne sais pas. En fait, oui, je ne sais même pas si ça va servir à quelque chose, parce qu'à un moment donné, ça va se tasser. On parle de viol maintenant, parce que nous sommes le 8 mars, mais le 8 avril, est-ce qu'on en parlera encore ? Et puis voilà, et oui, même dans les journaux... Il faut en parler tout le temps, en fait. Il faut en parler, oui, tant que ça ne s'arrête pas. Oui. C'est comme si maintenant, il y a des guerres à la mode, des situations à la mode, et puis qui se démodent aussi vite. Pas résolu, mais démodé, parce qu'on passe à une autre guerre qui se déroule dans un autre pays. Voilà. Regardez en France, par exemple, cette dame qui était enfermée en Amérique du Sud. Comment elle s'appelle ? Florence Cassès. Voilà. Le président de la République était là, les ministres ont été l'accueillir. Il y a eu des tonnes. Et pendant ce temps, on a oublié la Syrie, tout simplement. On a oublié, peut-être dans le quartier, il y a eu un fait grave. Voilà. Donc, Ispavan a allé accueillir Florence. Oui, mais ça, c'est une hystérie collective. Mais apparemment, elle se déroule un peu partout, cette hystérie collective. C'est vrai que c'est dramatique, mais c'est vrai que dans un pays, quand on ne sait même pas comment on peut se sortir d'une situation, on ne sait pas quoi faire. Moi, je ne peux pas descendre aujourd'hui à Kinshasa ou aller dans ma province natale et dire, bon, voilà, moi, je viens un peu voir un peu comment ça se passe ici. Est-ce qu'eux sont prêts à changer leurs mœurs ? Je ne sais pas. Est-ce que... Par rapport à ce médecin, dont moi aussi, j'ai oublié le nom. Et c'est Denis Mukwege. J'ai quand même lu un article qui disait qu'il s'était posé la question de savoir comment il allait pouvoir assurer sa sécurité en retournant. Et qu'en fait, c'est les femmes qui ont dit, nous, on dort devant ta maison, on ne te laissera pas attaquer. Donc il y a quand même autour de lui un groupe suffisamment fort pour assurer par elles-mêmes leur protection. Alors peut-être que ça a duré une semaine, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'elles ont souhaité faire et qu'elles ont médiatisé. C'est peut-être un début de prise de conscience. Oui, mais c'est par rapport à ce médecin-là. Parce qu'elles peuvent aussi, sans ce médecin, faire quelque chose, alors. Elles n'ont pas besoin du médecin pour défendre les jeunes filles et les mamans et de se défendre elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de ce médecin. Il est parti parce que maintenant, elles sont seules là-bas. Il faudra bien qu'elles trouvent le moyen de se débrouiller. Il faut savoir que là-bas, on peut prendre des positions, mais le militaire reste quand même l'ennemi du civil. Il n'y a rien à faire. Il a une arme, il a son uniforme et il fait... Tu ne l'écoutes pas, il te tue. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, je ne sais pas si ces femmes seraient restées longtemps devant chez ce médecin. À un moment donné, il y aurait eu 2-3 morts et elles seraient parties. Donc, oui, d'accord, elles veulent... Le pays est grand, elles seraient combien ? 50, 100 ? Face à, je ne sais pas moi, à des hommes drogués avec des armes et qui tirent partout ? Je ne sais pas. Le médecin lui-même est parti, donc... Je ne sais pas, les choses ne se passent pas aussi simplement au Congo. C'est très difficile. C'est très difficile. Et ces personnes-là, si elles ont compris, il faut maintenant dire aux voisins, aux voisines que les choses doivent changer. Il faut savoir qui est prêt à changer les choses. Qui est prêt à se dire que, bon, voilà, c'est vrai que ce qui nous arrive, ça ne devrait pas arriver. Nos enfants sont des mineurs, on ne devrait pas les toucher. Voilà, qui est prêt au Congo à se dire, voilà, on peut changer les choses. C'est facile, elles peuvent décider et se dire, bon, voilà, c'est vrai, on en a marre, on va changer, mais de l'autre côté, elles vont te demander, mais qui va nous nourrir ? Est-ce que c'est toi qui viendras nous donner à manger, à boire ? Ah, si ce monsieur-là ne peut plus être avec ma fille, comment on va faire ? Voilà. Donc, il y a toujours cette question derrière qui va se poser et nous, on fait quoi ? Ça, c'est pour le cas alimentaire. Et puis, dans le cas des viols, ben voilà, elle est violée. Et alors, ben voilà, elle a un enfant, elle a deux enfants, elle a trois enfants. Et voilà, et on l'a... Oui, elles font des enfants, hein, derrière tout ça aussi. Hein. Il y a des enfants qui naissent de ces viols. Donc, et puis, voilà, et ces enfants terminent dans la rue. Il y a des ONG qui viennent d'ici, qui s'installent là-bas, qui récupèrent des enfants de la rue, mais ils ne vont jamais... C'est comme ici, on ne peut pas récupérer toutes les personnes qui sont dans la rue. On voit bien qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas... Alors, imaginez, dans un pays qui n'est pas structuré, ces enfants terminent dans la rue et terminent leur vie dans la rue et personne ne s'en inquiète. Donc, c'est un gros problème. C'est au niveau de l'enfant qui est en train de naître jusqu'au niveau de la grand-mère qui a déjà vécu et qui regarde un peu les choses se faire. Et il y a tout ce laisser-aller des autorités, des parents, de tout le monde. Tout le monde, c'est un laisser-aller. Comment tu as dit tout à l'heure? Une hystérie Une hystérie collective. Non, voilà. Je voulais te poser une question. Est-ce que... En RDC ou en Afrique en général, est-ce qu'il y a des groupes d'hommes qui sont, favorables à la lutte des femmes ou au viol ou des choses comme ça, des hommes qui sont qui veulent changer le système africain en général, quoi, disons. Il y a des hommes qui existent, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ceux-là qui peuvent crier aujourd'hui « on est contre le gouvernement, on ne veut pas ci, on ne veut pas là », dès qu'ils sont en place, ils n'améliorent pas les choses. On a déjà constaté que c'est, en général, tout se répète, tout se fait comme avant. Ils ont beau crier avant qu'il faut que les choses changent, mais ça ne changera pas. Et puis, ceux qui veulent que les choses changent sur place, mais on ne les entend pas. Enfin, je veux dire, c'est vrai, si ces personnes existeraient, on pourrait d'ici peut-être les aider aussi, s'ils ont besoin de matériel, de fournitures scolaires, pour s'ils ont recueilli des enfants ou des choses comme ça. On pourrait les aider, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, donc on ne peut rien faire. Donc, pour moi, il n'existe rien. Il y a moyen d'avoir la télé congolaise maintenant ici, lorsqu'on a... Je sais pas moi, satellite. On a le câble ou satellite. Je ne sais pas quoi. Mais il faut regarder. Je ne sais pas, on regarde ça et on se dit, bon voilà, ok, il n'y a rien. Et les gens parlent beaucoup. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais il n'y a rien qui est mis en place, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Bon, pour revenir au viol, bon, voilà, pour le Congo, on se demande à quel moment, puisque la législation ne le dit pas et personne ne le dit, donc on ne sait pas quand est-ce que c'est considéré comme un viol. On ne sait pas. Voilà. C'est assez compliqué. Ben, c'est vrai que c'est triste, mais c'est ce qui existe depuis toujours. Hein. Pour le Congo, c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Mais je pense que même lorsqu'on regarde un peu dans les pays au Congo Brazzaville ou bien ça ne doit pas être différent du Congo Kinshasa, ça doit être pareil. C'est chez Bongo, c'est le Gabon, tout ça. Je pense que ça ne bouge pas beaucoup. Et en Occident, en fait, le viol a été défini à partir du moment où il portait préjudice aux hommes, dans la mesure où les femmes étaient plus une valeur d'échange dans le mariage, puisqu'elles devaient arriver vierges au mariage. Et là aussi, en fait, on en revient à la même chose. Le corps des femmes est vécu comme quelque chose qui pourvoit soit directement des ressources financières, soit un statut social à la famille à laquelle elle appartient. Et effectivement, à partir du moment où le corps de la fillette permet d'obtenir des moyens de subsistance à la famille, c'est totalement normalisé ce qui se passe. Et en Occident, le viol a été défini parce que c'était pas possible après de marier une fille qui avait été violée à quelqu'un pour obtenir un statut social ou une dot ou ce genre de choses. Mmh. Donc en fait, à partir du moment où le viol ne pose pas problème aux hommes qui sont autour, forcément il n'y aura jamais de définition, il n'y aura jamais de législation. Et dans certains pays arabes, là, c'est à partir de la loi religieuse qu'on justifie que si une femme a été violée, si son violeur l'épouse, alors le crime est effacé, quoi. Le crime est réparé, puisque du coup, l'atteinte à l'honneur fait à la famille est réparée. Et il y a eu ce cas au Maroc, c'était il y a moins de 2 ans, où la jeune fille qui devait avoir 16 ans, je crois, s'est suicidée. Et ça a fait beaucoup de bruit et ça a rappelé que cette loi existe encore et que... Et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Hein. Donc, pour réparer l'honneur, fait porter au mal de la famille. Quoi. Donc, voilà, ce sont des lois qui sont faites par les hommes, pour les hommes. Oui, oui. Ouais. On l'a aussi, au début du siècle, en Italie. Les crimes d'honneur, choses comme ça. C'était, en Italie, c'était comme ça. Quoi. Et en Europe, bon maintenant... La chose a évolué, mais disons qu'elle a existé, quoi. Mais aujourd'hui encore, bon, maintenant, pour regarder ne fût-ce que ce qui se passe en Belgique, lorsqu'il y a violence sur la femme, il y a l'homme qui est encore derrière pour lui dire que non, écoute, moi, je t'aime, il ne faut pas ceci, cela. Elle se sent encore coupable, c'est encore elle qui se sent coupable et qui, en général, va retirer sa plainte. Mais heureusement que maintenant, même si la femme a retiré sa plainte, la police continue à... la personne est toujours reste inculpée ou quelque chose comme ça. En tout cas, lorsque... Elle est inculpée, mais elle n'est pas condamnée. Peut-être pas condamnée, mais on continue à avoir un œil sur le monsieur qui bat une femme, je crois. Je crois parce que ça a été trop facile. Là, chaque fois, une femme retournait au commissariat pour retirer sa plainte et comme ça. Et puis, les violences continuaient et tout ça. Il faut un peu se renseigner par rapport à ça. Si la justice ne poursuivait pas malgré tout... Oui, ça, je sais pas. Le monsieur bagarreur. Ok. Voilà. Merci, Paulette. Merci. Merci à vous. C'est très gentil d'être passé. Mais c'est avec plaisir. Et puis, ne t'inquiète pas, on en reparlera après le 8 mars. C'est pour pas parler de ça. Mais il y a des personnes, il y a par contre aussi des Canadiennes qui parlent beaucoup de viol, qui écrivent des bouquins. Malheureusement, c'est chaque fois en anglais. Comme je parle pas anglais, mais bon, il faut voir un peu du côté du Canada. Il y a une femme qui parle. Mais j'avais lu un de ses textes ici. Je crois que tu l'avais entendu. C'est assez violent, mais elle écrit très bien. Mais il y a aussi les Québécoises aussi, parce que le problème du on va peut-être en parler, j'espère. Il y a tout ce problème de viol au Canada, c'est-à-dire à Vancouver. À Vancouver, il y a une route qui part de, je ne sais pas si c'est Winnipeg ou d'où, c'est une route intérieure, où, comment ça s'appelle, la police royale, la gendarmerie royale viole les femmes et sur le, qui sont des Indiennes, qui sont les Premières Nations, c'est-à-dire les Indiennes, et il y a beaucoup de viols à ce niveau-là, quoi. Et même au Canada. Et il y a aussi un viol qu'on oublie de dire, c'est dans les pensionnats religieux à Québec et dans tout le Canada, où, comme on s'appelle, on a mis les Indiens, on leur a coupé les cheveux, on les a assimilés à des Canadiens. Et les curés les ont violés systématiquement, quoi. Oui, et pour revenir un peu à l'Afrique, dans certaines familles prennent des bonnes qui ont à peine 8 ans. Elles sont là pour faire à manger. Elles ne vont pas à l'école, elles font à manger, elles s'occupent un peu de tout. Et parfois, monsieur peut aussi... Donc ça existe aussi, ça. Et madame est au courant que ça se passe comme ça, mais madame ne fait rien. Madame ne fait rien, et cette fille, comme elle vient d'un village lointain, et que, ses parents lui ont dit, mais non, vas-y, va travailler, on a besoin de cet argent, elle supporte, mais elle supporte combien de temps, comment est-ce que ça se passe pour elle, comment est-ce qu'elle vit ça? Je sais pas. Moi, je pense que... Je sais pas. Je crois qu'il faudrait peut-être aller en Afrique et parler. Mais voilà, toi, tu reviens de là. Peut-être que tu pourras un peu parler des femmes, des filles qui ont été violées. Comment est-ce qu'elles le vivent? Il faut peut-être. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on a à demander à une gamine qui a 8 ans, lui demander déjà ce qui lui arrive? Comment est-ce qu'elle peut expliquer ça? Comme c'est difficile, ça doit être difficile pour elle aussi, de non seulement se réveiller à 5 heures du matin parce que le patron doit trouver son petit déjeuner, préparer et tout ça, mais après ça, quand tous les enfants sont partis à l'école, elle reste là, mais le patron reste aussi avec elle. Mmh. Donc voilà. Okay. Mais on en reparlera. Mais il faut qu'on en reparle. On t'invitera encore de nouveau. Voilà, j'espère que j'aurai plus de nouvelles pour vous et des noms. Et des... Bon, maintenant, ça ne sert à rien de savoir combien de femmes sont violées chez nous. Il n'y a pas de statistiques et ça n'existe pas, ça. Hein. Donc, oui, voilà. Parce que tout à l'heure, quand je venais, je t'entendais parler de chiffres et tout ça. Ou bien c'était, c'était toi. Hein. Oui, chez nous, c'est impossible de faire, d'avoir des chiffres exacts. Ce n'est pas possible. Okay. Voilà. Merci mille fois. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Mais quand on veut danser, c'est vraiment faire la fête. Mais quand on veut danser, Bonsoir, donc vous êtes toujours sur Radio Air Libre, Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre de 87.7 tous les vendredis soirs. Et ce soir, c'est une soirée spéciale, le viol. Hein. Alors, on a jusque-là essayé de resituer la question dans la situation belge. On a également une invitée qui est venue nous parler du Congo. Et maintenant, j'aimerais en fait vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle « King Kong Theory », qui a été écrit par Virginie Despentes, que vous avez peut-être vu en tant que réalisatrice de ce film un peu trash qui s'appelle « Baise-moi ». Donc je vais lire certains extraits d'un chapitre qui s'appelle « Impossible de violer cette femme pleine de vices », qui est en fait une citation de la chanson antisociale de Trust, que nous avons tous certainement beaucoup écoutée. L'idée, donc, c'est que je vais vous lire certains extraits de ce chapitre. Je vous encourage bien sûr à lire entièrement ce livre, qui est également paru au Livre de Poche, donc à des prix démocratiques. Et puis, les autres invités ici, autour des micros aussi, interromperont au possible, histoire de rendre la chose plus vivante. Donc, Virginie Despentes a été également violée, donc victime d'un viol. En juillet 86, elle a 17 ans et elle revient du Royaume-Uni avec une copine. Et je commence à vous lire. Et on monte dans la voiture. Des deux filles, je suis celle qui a le plus bourlingué, la plus grande gueule, celle qui a décidé qu'on peut y aller. Au moment où les portières claquent, cependant, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler « on descend » les quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça déjà, je crois que c'est une chose assez importante, c'est qu'en fait, souvent, les femmes n'écoutent pas assez leur instinct ou tout simplement le bon sens et l'évidence, et que des fois, elles se laissent aller en fait trop loin alors qu'elles auraient pu arrêter la situation. Et donc maintenant, elle passe à la description du viol. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe, une cheveux verte, une cheveux orange, forcément, on baisse comme des lapins. Donc, le viol en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. Comme pour la plupart des viols, j'imagine. J'imagine que, depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme un violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. À trois, avec un fusil contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner, pas du viol. La preuve, si on avait vraiment tenu à ne pas se faire violer, on aurait préféré mourir, on aurait réussi à les tuer. Celles à qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangent pour le croire, tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, on a le chiffre des femmes violées, on n'a pas le chiffre des hommes violeurs, alors qu'en fait, il est tout à fait déductible. Si on a 600 femmes violées, on a 600 hommes violeurs, au moins. C'est dans notre culture. Dès la Bible et l'histoire de Joseph en Égypte, la parole de la femme qui accuse l'homme de viol est d'abord une parole qu'on met en doute. Et puis j'ai fini par admettre, ça arrive tout le temps. Voilà un acte fédérateur qui connecte toutes les classes sociales, d'âge, de beauté et même de caractère. Alors comment expliquer qu'on n'entende presque jamais la partie adverse ? J'ai violé une telle, tel jour, dans telle circonstance. Parce que les hommes qui continuent de faire ce que les femmes ont appris à faire pendant des siècles, appelaient ça autrement. Broder, s'arranger, surtout ne pas utiliser le mot pour décrire ce qu'ils ont fait. Ils ont un peu forcé une fille, ils ont un peu déconné, elle était trop bourrée ou bien c'était une nymphomane qui faisait semblant de ne pas vouloir. Mais si ça a pu se faire, c'est qu'au fond la fille était consentante. Qu'il y ait besoin de la frapper, de la menacer, de s'y prendre à plusieurs pour la contraindre et qu'elle chiale avant, pendant, après n'y change rien, dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Il n'y a pas eu de viol, juste une salope qui ne s'assume pas et qu'il a suffi de savoir convaincre. À moins que ça ne soit difficile à porter, ou si de l'autre côté, on n'en sait rien, ils n'en parlent pas. Il n'y a vraiment que les psychopathes graves, les violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tesson de bouteille, ou des pédophiles s'attaquant aux petites filles qu'on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve aussi vraiment très, très important. Et aussi, on dit toujours que le viol détruit les femmes, détruit la sexualité des femmes. Mais est-ce que le viol ne détruit pas également les hommes et la sexualité des hommes ? Est-ce que un homme qui a violé, est-ce qu'un homme qui a eu une relation sexuelle sous la contrainte avec une femme qui pleure, ou en lui mettant une arme sur la tempe ou un couteau sur le cou, est-ce que vraiment on peut penser que sa sexualité n'est pas détruite Oui, mais est-ce qu'il viole parce que sa sexualité est détruite, ou est-ce que sa sexualité est détruite parce qu'il a violé? Bah, les deux. Et l'idée aussi, c'est que finalement, enfin, comme pour les femmes, tu finis par t'y habituer et à encaisser ça, en fait. Alors, autre extrait. Jusque-là, je m'étais dit que j'avais bien encaissé, que j'avais la peau dure et autre chose à foutre dans la vie que de laisser trois ploucs me traumatiser. Ce n'est qu'en observant à quel point j'assimilais ce viol à un événement après lequel rien ne sera plus comme avant que j'ai accepté d'entendre par ricochet ce que je sentais pour nous-mêmes, blessure d'une guerre qui doit se jouer dans le silence et l'obscurité. La plupart du temps, une femme qui parle de son viol commencera par l'appeler autrement. Intérieurement, je renâcle. Voilà ce qui me semble être de la plus haute improbabilité. Pourquoi elle ne dirait pas ce mot? Et qu'est-ce qu'elle en sait, celle qui parle? Est-ce qu'elle croit qu'on se ressemble toutes, peut-être? Soudain, je me freine toute seule dans mon élan. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, jusque-là? Les rares fois, le plus souvent bien bourré, où j'ai voulu en parler, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit le mot? Jamais. Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot « viol ». Agresser, embrouiller, se faire serrer, une galère. C'est que tant qu'elle ne porte pas son nom, l'agression perd sa spécificité, peut se confondre avec d'autres agressions, comme se faire braquer, embarquer par les flics, garder à vue ou tabasser. Cette stratégie de myopie a son utilité. Car, du moment qu'on appelle son viol un viol, tout l'appareil de surveillance des femmes qui se met en branle. Tu veux que ça se sache, ce qui t'est arrivé? Tu veux intervenir? Pardon. Tu veux que ça se sache ce qui t'est arrivé? Tu veux que tout le monde te voie comme une femme à qui c'est arrivé? Et de toute façon, comment peux-tu en être sortie vivante sans être une salope patentée? Une femme qui tiendrait à sa dignité aurait préféré se faire tuer. Ma survie en elle-même est une preuve qui parle contre moi. Le fait d'être plus terrorisée à l'idée d'être tuée que traumatisée par les coups de rein de trois connards apparaissait comme une chose monstrueuse. Je n'en avais jamais entendu parler nulle part. Heureusement qu'étant... Ça me fait penser à deux choses, à ce petit passage. D'abord, le fait qu'on différencie viol avec agression et viol sans agression. Enfin, c'est très bizarre pour moi. Pour moi, un viol est une agression violente de toute façon. Mais dans la législation, voilà, on fait une différence entre tout ça. Et puis, une femme a forcément, à un moment donné, un comportement à risque. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ouais, ça me fait me poser ce type de questions. Heureusement qu'en tant que punkette pratiquante, ma pureté de femme bien, je pouvais m'en passer. Car il faut être traumatisée d'un viol. Il y a une série de marques visibles qu'il faut respecter. Peur des hommes, de la nuit, de l'autonomie, des goûts du sexe et autres joyeusetés. On te le répète sur tous les tons, c'est grave, c'est un crime. Les hommes qui t'aiment, s'ils le savent, ça va les rendre fous de douleur et de rage. Et c'est aussi un dialogue privé, le viol, où un homme déclare aux autres hommes « je baise vos femmes à l'arraché ». Mais le conseil le plus raisonnable pour tout un tas de raisons reste « garde ça pour toi ». Étouffe donc entre les deux injonctions, crève salope comme on dit. Alors le mot est évité. À cause de tout ce qu'il recouvre, dans le camp des agressés comme chez les agresseurs, on tourne autour du terme, c'est un silence croisé. Les premières années après le viol, surprise pénible, les livres ne pourront rien pour moi. Prison, maladie, maltraitance, drogue, abandon, déportation, tous les traumas ont leur littérature. Mais ce trauma crucial, fondamental, définition première de la féminité, celle qu'on peut prendre, donc elle définit la féminité, celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense, ce trauma-là n'entrait pas en littérature. Aucune femme, après être passée par le viol, n'avait eu recours aux mots pour en faire un sujet de roman. Rien, ni qui guide, ni qui accompagne, ça ne passait pas dans le symbolique. C'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne se dise rien, on ne dise rien aux jeunes filles, pas le moindre passage de savoir, de consigne de survie, de pratique simple, rien. Rien du tout, ouais. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai vécu... mon enfance en Algérie, où le viol dans le privé, dans la famille, en permanence, les violences sexuelles sont omniprésentes, mais elles n'existent pas comme quand on parlait de RDC tout à l'heure. Elles ne sont pas nommées, elles ne paraissent pas, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas perceptibles, elles sont dans le silence et l'obscurité, comme tu disais tout à l'heure. Dans le déni aussi total. Elle parle maintenant d'un article d'une auteure qui s'appelle Camille Paglia. En substance, elle dit ceci. Le viol, c'est un risque inévitable, c'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself, donc épouse-toi, et passe à autre chose. Si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de ta manucure. Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. Dévalorisation du viol, de sa portée et de sa résonance. Ça n'annulait rien à ce qui s'était passé, ça n'effaçait rien à ce qu'on avait appris cette nuit-là. Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille, une liberté inouïe de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe, seul, sans un mec avec nous, la nuit. Oui, on avait été conne et faible et incapable de leur péter la gueule, faible comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé, mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa, maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever, de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique, quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Paglia changeait tout. Il ne s'agissait plus de nier ni de succomber, il s'agissait de faire avec. Par rapport à ça, je prends un exemple français où sur le site en fait, du ministère de l'Intérieur, il y a un endroit où on explique aux femmes quels comportements elles doivent avoir, à savoir en rue quand elles ont justement l'instinct, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, bah, elles doivent marcher vite et d'un pas pressé et faire attention dehors aux heures dangereuses. Donc, ça les pose d'emblée en victime potentielle et tout le temps. D'après Camille Paglia, dans les années 60, sur les campus, les filles étaient enfermées dans les dortoirs à 10 heures du soir parce que les garçons faisaient ce qu'ils voulaient. Nous avons demandé « Pourquoi cette différence de traitement ?» On nous a expliqué « Parce que le monde est dangereux, vous risquez de vous faire violer. » Alors nous avons répondu « Alors donnez-nous le droit de risquer d'être violés. » Parmi les réactions que le récit de mon histoire a suscité, il y a eu celle-ci. « Et tu as fait du stop encore après ?» Parce que je racontais que je ne l'avais pas dit à mes parents de peur qu'ils ne me bouclent la triple tour pour mon propre bien, parce que oui, j'ai refait du stop. Moins pimpante, moins avenante, mais j'ai recommencé. Mais j'ai scrupuleusement évité de raconter mon histoire parce que je connaissais d'avance le jugement. Ah, parce que ensuite, si tu as continué à faire du stop, si ça ne t'a pas calmé, c'est que ça a dû te plaire. Puisque dans le viol, il faut toujours prouver qu'on n'était pas d'accord. La culpabilité est comme soumise à une attraction morale non énoncée qui voudrait qu'elle penche toujours du côté de celle qui s'est fait mettre plutôt que de celui qui a cogné. Elle parle ensuite des différentes représentations du viol dans les films. Ça n'existe pour l'instant que dans les films réalisés par les hommes. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, L'Ange de la Vengeance de Ferrara, I Spit on Your Grave de Mère Zaraxi par exemple. Les trois films commencent par des viols plus ou moins ignobles, plutôt plus que moins d'ailleurs, et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultra sanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Parce que quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. Ça me rappelle cette scène que j'ai vue quand j'étais petite, d'autant en emporte le vent, quand Scarlett Je ne sais plus exactement ce qui arrive, mais Butler revient et puis en gros il la viole et on voit juste la scène le lendemain matin quand elle se réveille et qu'elle s'étire et elle feint de tout d'un coup elle fait semblant d'être fâchée, mais en fait on sent bien qu'elle a été heureuse et c'est exactement ça quoi. On retourne complètement la situation. Il s'agit d'une entreprise politique ancestrale incapable. Il s'agit d'une politique ancestrale implacable, apprendre aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte, nous faire savoir qu'il n'y a rien de plus grave et en même temps qu'on ne doit ni se défendre ni se venger, souffrir et ne pouvoir rien faire d'autre, c'est Damoclès entre les cuisses. Mais des femmes sentent la nécessité de la fermer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils auront brusquement la capacité de mieux contrôler leur pulsion masculine et de comprendre ce que non veut dire. C'est étonnant qu'en 2006, alors que tant de monde se promène avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche, appareils photo, téléphone, répertoire musique, il n'existe pas le moindre objet qu'on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors et qui déchiqueterait la queue du premier connard qui s'y glisse. Peut-être que rendre le sexe féminin inaccessible par la force n'est pas souhaitable. Il faut que ça reste ouvert et craintif une femme, sinon qu'est-ce qui définirait la masculinité ? On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire et périphérique, en dehors de la sexualité évitable, comme s'il ne concernait que peu de gens, agresseurs et victimes, comme s'il constituait une situation exceptionnelle qui ne dise rien du reste, alors qu'il est au contraire au centre, au cœur, socle de nos sexualités. Rituel sacrificiel central, il est omniprésent dans les arts depuis l'Antiquité, représenté par les textes, les statues, les peintures, une constante à travers les siècles. Le viol, c'est le propre de l'homme, non pas la guerre, la chasse, le désir cruel, la violence ou la barbarie, mais bien le viol. Et le viol sert d'abord de véhicule à cette constatation. Le désir de l'homme est plus fort que lui, il est impuissant à le dominer. Si la testostérone faisait d'eux des animaux aux pulsions indomptables, ils tueraient aussi facilement qu'ils violent, et c'est loin d'être le cas. Le discours sur la question du masculin sont donc émaillé de résidus d'obscurantisme. Le viol, l'acte condamné dont on ne doit pas parler, synthétise un ensemble de croyances fondamentales concernant la virilité. Je suis de plus en plus convaincue qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et d'arrêter de parler de ce qui se passe pour les femmes dans le viol, parce que finalement, c'est pas du côté des victimes que ça va changer quelque chose, c'est vraiment les agresseurs qui doivent arrêter de le faire. Et vraiment, il y a quelque chose dans le rapport des genres où c'est le désir ou le plaisir ou le sexuel est vraiment perçu comme n'étant que du ressort du corps des femmes. Et moi j'ai l'habitude de dire que ce soit les filles mères, puisqu'à une époque c'était vraiment très grave, les prostituées, les femmes voilées, mais aussi les femmes violées, en fait ne font que porter le stigmate, ne sont que porteuses de quelque chose qui se voit, alors que finalement c'est les hommes qui sont derrière ça, puisque s'il y a des prostituées, s'il y a des femmes violées, s'il y a des femmes voilées ou des femmes enceintes trop tôt ou pas dans les conditions qu'il faudrait, c'est que forcément il y a eu un homme derrière pour faire ça avec ou contre, ou mais en tout cas pour le faire, et ça c'est totalement invisibilisé. C'est invisibilisé, mais ça c'est aussi parce que ça met les hommes dans une position de supériorité. En violant les femmes, on les remet à leur place d'inférieur. Et donc, ça valorise, c'est pour ça qu'elle dit, je pense que c'est le propre de la masculinité, ça valorise cette virilité qui s'accomplit par le fait de mettre l'autre plus bas que soi. Donc, c'est vraiment un rapport de force et la sexualité est au cœur du pouvoir, quoi, est au cœur du rapport de pouvoir. Alors, dernier extrait, en sachant que je vous ai lu des tout petits extraits de quelque chose qui s'étend de la page 33 à la page 53. Donc vraiment, je vous invite à lire King Kong Théorie de Virginie Despentes. Dernier extrait. Dans la morale judéo-chrétienne, mieux vaut être prise de force que prise pour une chienne, on nous l'a assez répété. Il y a une prédisposition féminine au masochisme, elle ne vient pas de nos hormones ni du temps des cavernes, mais d'un système culturel précis, et elle n'est pas sans implication dérangeante dans l'exercice que nous pouvons faire de nos indépendances. Voluptueuse et excitante, elle est aussi handicapante. Être attirée par ce qui nous détruit nous écarte toujours du pouvoir. J'aimerais pour finir de nouveau vous lire un extrait. Cette fois-ci, on va changer d'auteur. Alors, elle est un petit peu moins drôle, un peu plus technique, mais c'est vraiment du concentré. C'est une anglo-saxonne qui s'appelle Gay Fetterson et qui a écrit un livre qui s'appelle « Femmes en flagrant délit d'indépendance ». Donc c'est un tout petit livre qui fait une dizaine de centimètres de haut sur 1,5 cm d'épais. Où en fait elle passe en revue les différents états féminins classiques, que ce sont le mariage, la grossesse, la prostitution, la migration, et elle montre en fait comment à travers ces choses qui ont l'air naturel, finalement, il y a des implications politiques dans la façon dont les États ont de contrôler les femmes dans ce qu'elles font. Et le petit extrait que je voudrais vous lire s'appelle « Du rapport de pouvoir à la pathologie, à l'identité, à la fatalité ou à la maladie ». Dans Le Monde du 3 mars 1995, nous trouvons le titre « 4 millions de femmes victimes de violences conjugales ». Nulle part dans l'article, les hommes ne sont mentionnés, bien que l'on puisse supposer que 4 millions de maris ont violenté 4 millions d'épouses. Bien sûr, on sait que ce sont les hommes, les auteurs de violences à l'intérieur de l'institution légitime traditionnelle du mariage, mais ni le comportement des hommes ni le mariage ne sont identifiés comme étant le problème. À la place, l'attention est concentrée sur le psychisme et le corps des femmes. La violence conjugale, un phénomène analogue à une intoxication alimentaire, attaque spécifiquement les femmes. C'est leur sexe qui les met en danger. Celles qui succombent au risque sont par la suite identifiées comme victimes. Le fait d'être victime devient, ainsi, soit un trait identitaire de femmes individuelles, la femme battue, dissociée des hommes qui battent, soit une condition que subissent les femmes en général, la condition féminine, dissociée des rapports sociaux qui la déterminent. Les hommes, en tant que classe, sont tranquillement soustraits à la vue et exemptés de discrédit social et de sanctions légales. Tandis que seuls des hommes pathologiques ou des hommes que leur maman a négligés ou des hommes criminels asociaux sont tenus pour responsables ou irresponsables du problème, à savoir celui de femmes abîmées ou contaminées. La violence dite conjugale ou domestique en vient à résider à l'intérieur de la personne femme comme s'il s'agissait de quelque anomalie génétique, de quelque destin tragique ou de quelque séquelle inévitable d'une enfance traumatisée, tout cela étant des conditions exceptionnelles mais en même temps exemplaires de la condition féminine. Pour faire un parallèle avec un autre système de domination qui traverse la société, qui est le racisme, c'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on nous apprend à identifier les situations faites aux personnes et donc les victimes de racisme, mais on n'apprend pas à regarder les privilèges de ceux, ce qu'on appelle les privilèges blancs, c'est-à-dire de ceux qui font partie du groupe dominant et qui du coup ont des privilèges. Et on ne regarde que du point de vue des victimes et pas de ceux qui profitent de système. Et c'est exactement la même chose avec le sexisme. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le petit échange qu'on a eu sur la sexualité des hommes, je pense aussi que de la même façon que les femmes détestent être victimes, si un homme commençait à dire que sa sexualité a été endommagée, il devrait aussi se mettre du côté des victimes. Et je crois que ce serait quelque chose de difficilement soutenable, en fait, d'un point de vue social, de devoir se reconnaître en tant que victime. Ça marche dans les deux sens, je pense. Je pense qu'il y a des côtés positifs et négatifs dans les deux positions. Si tu te mets en tant qu'auteur, au moins tu auras le plaisir éventuel d'être du côté dominant et de l'affirmer. Et si tu te mets du côté victime, tu te déresponsabilises d'une certaine manière. Donc, ça, c'est le côté négatif. Les deux côtés négatifs, il y a les deux côtés positif aussi, je pense. Donc, ça dépend un peu. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est la première fois que j'entends raconter ce genre de choses. Là, ce que tu dis là sur le critical whiteness, parce que c'est ça qu'on appelle ça, hein, Là, je sais plus ou moins de quoi tu parles. Voilà. Donc, oui, de se voir comme victime, oui, mais si tu n'as pas le sentiment d'être victime, pourquoi tu prends cette position, ne fût-ce que pour t'excuser ou parce que tu es coincé ou tu es dans un procès, parce que tu as été une femme a porté plainte contre toi, et là, c'est peut-être intéressant de te mettre dans la position de victime, je ne sais pas. Mais quand les femmes prennent la position de victime, en général, c'est pour arriver à identifier ce qui s'est passé pour elles et ensuite se guérir et passer à autre chose. Mais pas seulement pour faire joli dans un procès et essayer d'avoir des circonstances pas aggravantes, mais atténuantes. Non, c'est autre chose. Mais vraiment, d'un point de vue politique, enfin, genre, si nous, on connaît toutes au moins une femme, ou si l'une d'entre nous, probablement autour de cette table, a au moins été violée au moins une fois, probablement vous aussi. Et c'est un truc qui a toujours été pointé dans les, enfin toujours depuis, on va dire les années 70. Pourquoi il n'y a pas de groupe de parole d'hommes? Pourquoi vous parlez pas de ça entre vous? Pourquoi vous prenez pas de position politique là-dessus? Pourquoi nous ça nous fait peur aussi? Enfin, je veux dire. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est que en 1970, juste après 68. Il y avait quand même une comment s'appelle moi je parle en France parce que j'étais à Paris à l'époque, c'est qu'il y avait quand même le MLH qui était un mouvement qui se revendiquait de comment s'appelle non sexiste et tout, qui voulait comment ça s'appelle que les hommes n'avaient pas une supériorité sur les femmes et qui était que les hommes avaient le droit de d'avoir toutes des émotions et tout, et qui n'étaient pas des dominateurs et tout, et qu'on disait toujours les hommes très forts et tout. Et je sais qu'il y a eu ce mouvement dans les années 70 et qui a été très important. Bon, disons que bon, après ça s'est atténué, mais le MLH a existé quand même. Puis, juste. Pour moi, c'est pas vrai qu'on en parle énormément en fait entre nous femmes non plus. Ça reste un sujet qui est très tabou en fait dans la société, et qu'on soit homme, femme, enfin peu importe l'individu, c'est pas quelque chose qu'on met sur la table très facilement et dont on parle comme ça et à tout bout de champ ou plus facilement en tout cas. C'est non pas, enfin pas, moi je le vois pas comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression de le découvrir, quoi, et de découvrir à quel point c'est omniprésent. C'est, comme on disait, on ne le nomme pas, il n'est pas visible, il n'existe pas, ou dans les marges, quoi, les coins, les recoins, les fins de soirée. C'est ça. Non, mais c'est vrai que, comment ça s'appelle, le monde masculin, actuellement, le monde est masculin. Ça, on doit le reconnaître, on doit le dire. Mais je pense qu'il y a quand même des hommes qui font de la résistance au niveau de comment dirais-je, au niveau des problèmes de femmes, de féministes et tout, qui sont d'accord et qui ont leur rôle d'homme en tant qu'homme, et que les femmes ont un rôle en tant que femmes. C'est-à-dire qu'on est... je ne sais pas le mot parce que je ne le dirai pas, mais je pense que c'est très important. Je pense qu'on doit vivre, on doit vivre ensemble et lutter ensemble à ce niveau-là, lutter en tant que femme brimée et en tant qu'homme brimé, quoi. La de cette société qui veut nous faire, comment s'appelle, nous faire une sorte de comment dirais-je, de melting pot, et ça on le veut pas, ça. J'adorerais, tu vois, je suis ravie qu'il y ait eu un MLH, mais et je veux dire, c'est pareil, il y a des hommes qui sont victimes de violences de la part de femmes, il y a des hommes qui élèvent seuls leurs enfants, cela dit, c'est statistiquement extrêmement réduit, et effectivement, entre femmes, on ne parle pas beaucoup, malgré tout, on en parle, entre hommes, on n'en parle pas du tout. Des associations d'hommes pour faire face et accompagner, soutenir, être présent pour des hommes qui ont été violés, il n'y en a pas. Non, parce que c'est un problème. C'est un problème de, comment ça s'appelle, je crois que c'est un problème de tabou. Les hommes ne parlent pas de viol. Moi, personnellement, j'étais violé quand j'étais petit. C'est vrai que j'en ai parlé à un moment donné, très loin, parce qu'il y a eu, comment ça s'appelle, il y a eu la marche blanche, et tout d'un coup, moi, j'avais enfui tous les problèmes d'être violé quand j'étais môme, tu vois, et que, comment ça s'appelle, je l'ai ressenti, et tout d'un coup, parce que j'avais fait une analyse, et j'avais tout enfui là-dessus. J'avais enterré mes problèmes, et c'est vrai que quand il y a eu la marche blanche, tout d'un coup, je me suis dit, mais merde, j'étais violé, tu vois. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce truc, parce que c'était une hystérie collective, la marche blanche, quand même, il ne faut pas oublier. Et c'est vrai que ça m'a fait que j'ai dit, tiens, j'ai été violé. Mais parce que c'était dans une position complètement différente, c'est que si tu veux, dans ma génération, parce que je dis aux auditeurs, j'ai 69 ans, d'être violé, c'était un truc, mais normal. C'est-à-dire que, comment s'appelle, quand on était dans des lycées, on était comme ça, c'était normal d'être violé. On t'apprenait ta sexualité. C'est-à-dire que les comment s'appelle, maintenant on dit pédophile, on dit tout ce qu'on veut, mais c'était de dire aux enfants que c'était normal qu'on t'apprenait ta sexualité. C'est ça le problème. Mais dans la pensée straight, Monique Wittig dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et ça a généré énormément un scandale épouvantable. Mais ce qu'elle dit, c'est que les lesbiennes ne se comportent pas comme les individus qui font un certain travail social et qui, de fait, sont nommés femmes. Et ce qu'on essaye de dire au niveau de la pensée féministe depuis longtemps, c'est que les hommes aussi... finalement joue un rôle social dans le patriarcat et il ne tient, enfin, vous pourriez aussi arrêter d'être des hommes, c'est-à-dire des individus qui jouent le rôle social qui fait qu'on les appelle hommes. Et effectivement, ce qu'on appelle la maison des hommes, c'est-à-dire ce que les hommes se font entre eux, comment ils s'apprennent à être des hommes entre eux, est effectivement basé sur des violences terribles. Enfin, dans les hammams non mixtes, les petits garçons, ils passent. Enfin, et il y a vraiment quelque chose où les hommes s'apprennent à ce que un corps qui est pénétré, un corps qui est dominé, forcément un corps renvoyé du côté du féminin, des soumis, des dominés. Et du coup, si tu veux, choisis ton camp. Tu dois être un dominant, tu dois être de l'autre côté. Donc oui, tout à fait. Et ça serait vraiment, là, vraiment, si on veut vraiment renverser le patriarcat, c'est par là aussi qu'il faut commencer. Non, mais je suis absolument d'accord. Je pense que ce qu'on doit accepter de comment s'appelle, c'est qu'il n'est pas un côté féminin et un côté masculin dominant. Il faut qu'il y ait un côté féminin et masculin qu'on vit ensemble. Mais pour revenir sur les hommes qui admettent être des violeurs, en Égypte, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2008 qui dit que donc 83% des Égyptiennes déclarent être agressées sexuellement tous les jours, 98% des étrangères et 64% des hommes déclarent être des agresseurs et des violeurs et justifient ça par le comportement des femmes, toute une série de choses. Donc, il y a des cultures et des contextes où c'est justifiable, où c'est légitime, où c'est valorisé. On est peut-être dans un contexte et peut-être, enfin, où les choses ont évolué et on ne le dit pas et enfin, qui favorise le silence. Mais il y a des contextes où c'est carrément bien vu, quoi. Enfin. Bon, on va faire une pause musicale avec Warda et après on passe à Lydia. Thank you. ملكك تحكم عليه. بعد اللي قلته واللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبني حرمنا أحبك أحبك ما تحبني Haram Tahebbek. Merci. Décédé il y a peu de temps. Voilà. Ouais. Lydia. Du coup, ouais, voilà, je prends la suite. Donc, moi, je vais vous parler de deux petites choses, en fait, d'un dossier que le journal La Brique a fait concernant le viol, qui s'intitule Silence en viol. Et puis de Carole Peitman et donc son bouquin Le contrat sexuel. Alors pour le dossier de La Brique, voilà comment le dossier commence. La Brique a trifouillé les bas-fonds de la société patriarcale. Elle publie aujourd'hui sur le net son enquête Silence on viol. Le viol a de pratiques qu'il rassemble les esprits les plus antagonistes. Qui est pour le viol ? Personne. Et pourtant le viol existe dans tous les milieux sociaux. L'explication la plus répandue consiste à dire que les violeurs sont des fous, des aliénés, des monstres, et tout le monde est d'accord pour qu'ils crèvent en prison, voire qu'on les pende haut et court. Du moment qu'ils sont sanctionnés comme il se doit, l'honneur est sauf. Tous les autres peuvent se rassurer de ne pas être comme ça et avoir la conscience tranquille. On voudrait bien suggérer autre chose pour avancer un peu, car il suffisait d'enfermer et de stériliser quelques fous pour que le viol n'existe plus. Car s'il suffisait, pardon, d'enfermer et de stériliser quelques fous pour que le viol n'existe plus, il n'existerait déjà plus. En revanche, si on considère le viol comme l'expression d'une société dans laquelle le corps des femmes est un objet destiné à satisfaire le désir, insatiable, irrépressible, même primitif, des hommes, on comprend mieux pourquoi le viol demeure et pourquoi l'accumulation des mesures liberticides censées nous protège des vilains monstres n'y change rien. Censées nous protéger, excusez-moi, j'arrive pas très bien à lire sur l'écran, censées nous protéger des vilains monstres n'y change rien. Voilà. Donc dans les articles du dossier, on en a plusieurs, on a un qui s'intitule « La destruction de certaines, la menace pour toutes ». Donner la vue du sang, l'échapper, se reconstruire après un viol, épouvantable épouvantail, ni moi ni mes potes, la querelle des chiffres, Jeanneton et les garçons, qui reprend un peu la comptine Jeanneton, voilà. Phoenix, des extraits, des citations et puis des infos complémentaires. Mais je vais m'attarder brièvement en fait sur deux articles. La destruction de certaines et la menace pour toutes. Le viol, ça reste un tabou dans notre société, on en a parlé précédemment. Et lorsqu'on parle dans les médias dits traditionnels de ce sujet, on a le droit à une petite brève ou alors à un témoignage bien sordide, comme il faut. Et Lucie et Lucie, qui ont constitué ce dossier, n'ont pas choisi de passer par des témoignages pour dénoncer le viol. Elles ne souhaitent pas passer par le pathos qu'on nous sert à tout va. Elles veulent parler du viol pour expliquer le viol, pour dire qu'il existe et que c'est un fait. Pas besoin de passer par des détails sordides ou d'en connaître précisément les circonstances pour pouvoir juger si oui ou non il s'agit d'un viol, comme s'il existait un viol type, reconnaissable, compréhensif et vecteur d'une compréhension sociale. Elle explique que la vive compassion inspirée par un témoignage occulterait la réalité de l'oppression, son étendue et sa violence, jamais assez dévoilée. On ne risque pas d'avancer si on ne cesse de s'indigner par à-coup ou de condamner avant de chercher à comprendre. Donc c'est vrai que en fait, ce sujet arrive comme ça dans les médias par à-coup, et Paulette le disait tout à l'heure, on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on va en reparler un peu plus tard ou pas? Voilà, c'est un peu le sujet. On disait aussi, hors antenne tout à l'heure, que cette semaine, on entendait beaucoup parler de ce sujet-là. Et une fois que la journée de la femme sera passée, est-ce que la semaine prochaine, on va revenir là-dessus dans les médias? On n'y croit pas. Voilà. Et je m'attarde sur un autre article qui s'appelle « Ni moi, ni mes potes ». Où elle explique que nous sommes tous concernés, tous et toutes. Et dire que nous le sommes tous et toutes, ben c'est difficile en fait. On préfère occulter l'existence du phénomène, on en parle uniquement à travers les faits divers, on va alors parler des affaires de viol, mais jamais du viol en lui-même, comme un réel acte répandu. Je cite « On est bousculé le temps d'une émotion, puis on sort purgé en fin de reportage, l'esprit frais et soulagé. Et on réagit dans la vraie vie, comme devant son écran, on y pense deux minutes, puis on préfère laisser de côté. La déresponsabilisation générale opère et le silence règne. Ce ne sont pas que les inconnus qui violent. Alors comment réagit une bande de potes face à une victime qui est violée en fait par un membre de la bande? Et une femme par son mari? Si t'es mariée, c'est normal, hein, tu dois faire ton devoir conjugal, et puis c'est comme ça. Et puis qui sait, peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, que t'avais pas envie. Puis toi, t'es un homme, comment ça tu t'es fait violer par un homme? Et puis, les blagues potaches qui arrivent. La vie intime de chacun reste dans la vie intime de chacun et ne vaut mieux pas trop s'en mêler. On t'a écouté un peu, mais bon, ce serait quand même plus chouette si on n'en reparlait plus jamais. Hein. Voilà. Ça, c'est un peu mon ressenti de ce dossier en fait, qui amène ces réflexions-là. Et dans ce dossier, il y a une citation que j'aimerais lire, qui est de Franck Aram, de viol en 1988. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Le comble de l'obscénité, c'est le rite terroriste auquel tous, policiers, médecins, juges, avocats de la partie adverse, soumettent la femme victime d'un viol quand elle se présente là où elle doit se présenter, avec l'illusion qu'elle demande justice et l'illusion qu'elle obtiendra. C'est une rite de dérision, répugnant et ricanant. Le médecin. Dites-nous, mademoiselle ou madame, n'avez-vous éprouvé que du dégoût pendant l'agression ou bien un certain plaisir et une satisfaction inconsciente? Le policier. N'avez-vous pas été flatté que tant d'hommes, quatre je crois, tous ensemble, vous êtes tant désirés d'une passion si tendue? Le juge. Êtes-vous resté toujours passif ou bien, dans une certaine mesure, avez-vous participé? Le médecin. Vous êtes-vous senti excité, impliqué? L'avocat de la partie adverse. Vous avez mouillé? Le juge. N'avez-vous pas pensé que vos gémissements, dus à la souffrance, bien sûr, pouvaient passer pour des expressions de jouissance? Le médecin. Vous avez atteint l'orgasme? L'avocat. Si oui, combien de fois? Et oui. Et alors, je passe simplement à, sans transition d'ailleurs, comme ça, à Carole Pateman donc, et son ouvrage Le contrat sexuel. Carole Pateman, qui est une féministe et théoricienne politique, qui a écrit ce livre en fait en 1988 également, mais qui a été traduit de l'anglais en français il y a vraiment très peu de temps, je crois que c'est un ou deux ans grand maximum. Et dans son livre, elle explique que le contrat social est un leurre, qu'il a été signé par des hommes blancs pour des hommes blancs. Ça revient un peu à ce que tu disais précédemment. Et les femmes et les autres, eh bien, elles n'ont pas eu leur mot à dire et surtout n'ont pas hérité de ce contrat. Elles ont été maintenues dans un état de subordination et n'ont pas accédé à la condition d'individu, émancipé en même temps que les hommes. Et dans son bouquin, elle tente de comprendre un peu pourquoi. Alors, tout ça est bien sûr sous un prisme clairement féministe et assumé, hein. Et pour elle, ce qui me dérange pas, mais pour elle, l'effet pervers de ce contrat social est le contrat sexuel, où l'on trouve une injustice du genre. Elle analyse cela en étudiant les différents contrats, le mariage, la propriété de la personne, la prostitution, la maternité de substitution, l'esclavage et le salariat. Et pour elle, passer un ordre social de type contractuel ne peut en faire un ordre social libre. Ces contrats font théoriquement le patriarcat et donc la subordination juridique et sociale des femmes. Et dans cet essai, elle montre aussi comment aujourd'hui le contrat sexuel permet aux hommes d'avoir un libre accès au corps des femmes perdues. Que le libre accès au corps des femmes perdure. Voilà. Et ça revient aussi un peu à ce que tu disais précédemment. Et je voudrais lire un très très court extrait en fait du bouquin. Alors, c'est à la page 301. Voilà. Donc, c'est vraiment à la fin. Et c'est son dernier chapitre qu'elle appelle « La fin de l'histoire ?» point d'interrogation. Un vieux slogan anarchiste dit « qu'aucun homme n'est assez bon pour être le maître d'un autre ». Ce sentiment est admirable, mais il ne dit rien qu'une question cruciale. Dans la société civile moderne, tous les hommes sont considérés comme assez bons pour être les maîtres des femmes. La liberté civile dépend du droit patriarcal. L'incapacité à voir ce que le droit patriarcal a de central pour le problème politique de la liberté, de la supériorité et de la subordination est si enracinée que même les anarchistes, si profondément conscients de la suggestion entre les hommes, se sont rarement opposés à leurs camarades socialistes à propos de la domination sexuelle. Depuis le début de l'ère moderne, depuis que Marie Astel demanda pourquoi, si tous les hommes sont nés égaux, toutes les femmes sont nées esclaves, les féministes ont sans cesse contesté le droit masculin. Reste que, malgré tous les changements sociaux et les réformes juridiques et politiques des trois derniers siècles, la question de la subordination des femmes n'est toujours pas considérée comme une question majeure, tant dans la recherche universitaire en sciences politiques que dans la pratique politique. Les débats sur la liberté tournent autour de la loi étatique et de la loi de la production capitaliste. Le silence règne sur la loi du droit sexuel masculin. Je pourrais continuer encore très longtemps, comme ça, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin de Carol Pateman, Le contrat sexuel. Voilà. Non, rien. Il y a peut-être des réactions, moi. Naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle, mais fille de Montauban, Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle, mais fille de Montauban, Olympe tu as 200 ans, et toujours pas démodé, ils sont nombreux les prétendants, à récupérer tes idées, pourvu que de notre vivant, on les voit se réaliser, Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle, mais de Montauban, Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban, tu luttes contre les vents, l'éventail des idées préconçues ou inventées, et sûr que tu as gêné les nantis, les négriers, tes voisins et le clergé, Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban, Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle, les filles de Montauban. Yeah. Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle.

Alors, on a une émission spéciale viol pour ce 8 mars. On est passé par la situation en Belgique, la situation au Congo, la situation envisagée d'une manière plus générale. Et puis, on a la chance, le plaisir et l'avantage d'avoir Ralia avec nous dans les studios, qui a eu l'occasion de passer un certain temps en Égypte et d'être assez familière de la situation au Maghreb, au Machrek. Et finalement, on a parlé du viol individuel ou du viol en tant que phénomène de société, mais également en tant que phénomène massif, hein, de viol de masse en temps de guerre. Alors, est-ce que l'Égypte est en guerre? On peut dire qu'elle est en révolution depuis 2 ans. Révolution permanente. C'est comme ça que les révolutionnaires disent. La révolution n'est pas terminée, quoi. Elle continue. Mais par contre, les violences massives envers les femmes se sont vraiment, vraiment intensifiées depuis la Révolution. C'est un phénomène qui est extraordinaire par rapport à l'histoire de l'Égypte. Et c'est hyper important d'y revenir et de comprendre ça dans le contexte révolutionnaire et comment est-ce que les femmes se jouent la Révolution et la contre-révolution sur le corps des femmes en Égypte. Et juste pour me présenter peut-être un tout petit peu, moi je suis sociologue et je mène une recherche donc sur l'Égypte. Ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille sur l'évolution des rapports sociaux de sexe en Égypte. Et je m'intéresse vraiment à la mobilisation des femmes à partir de la Révolution et sur le long terme, quoi. Pas uniquement le moment de la Révolution, mais vraiment comment ça se répercute sur le long terme, comment les lignes, les frontières patriarcales bougent, comment les femmes transgressent le patriarcat. Et... en fait, le viol de masse, le viol comme arme de répression politique, en Égypte, on en a entendu parler durant la révolution, les 18 jours, qui ont commencé le 25 janvier 2011. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces viols collectifs, en fait, la première fois qu'ils ont été rendus publics, c'était en 2008. Et c'est intéressant de raconter l'histoire, juste pour refaire la généalogie. C'était pas du tout dans un contexte politique a priori, mais c'était un soir d'Aïd, donc c'est une fête religieuse, la fête battait son plein, on était au centre-ville du Caire, et une bande de jeunes, une trentaine de jeunes venant des quartiers défavorisés, se voient refuser l'accès d'aller au cinéma. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Et du coup, frustrés, ils se tournent vers les femmes qui sont dans la rue, femmes seules, femmes accompagnées, d'autres femmes, d'hommes, etc., et ils les arrachent leurs vêtements et se mettent à les violer. Et c'est des bandes qui enflent, qui grandissent, qui se déplacent en ville et passent la nuit à violer des femmes, alors que les policiers sont là, qui sont au courant, et rien ne se passe, et au vu et au su de tous. Et c'est la première fois que ce phénomène a été à ce point-là visible, mais surtout rendu visible, parce que pendant une semaine, on en a parlé dans les médias sociaux, etc., jusqu'à ce que ça arrive au Parlement, et qu'on pose une question au ministre de l'Intérieur. Et qu'on lui dise, voilà ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez rien fait? Et là, il dit qu'aucune plainte n'a été portée, que rien n'a été signalé, et donc que ça ne s'est jamais produit. Et donc, la première fois que ces viols collectifs ont émergé, ont choqué l'opinion publique très conservatrice égyptienne, c'était en 2008. Et puis, pendant la Révolution, là, ça a pris un caractère plus systématique, et c'est toujours, en fait... c'est toujours le même scénario qui se passe. Donc, pour prendre la place Tahrir, qui est la place symbolique et mythique de la Révolution, mais en réalité, il y en a plein d'autres partout en Égypte, mais disons que c'est là où tous les regards se vont. Dans la place Tahrir, ça se passe toujours au même endroit. Ça se passe dans un coin de la place où la foule, en fait, pousse, vers laquelle la foule pousse, parce que c'est là que les caméras sont dirigées. Les caméras, depuis les immeubles, en fait, poussent dans visent un coin de la place, et donc toute la foule pousse dans cette direction-là. Et dans cette direction-là, il y a un coin sans issue, parce qu'il y a des barricades qui ont été posées, parce qu'on bloque la place, etc. Et donc, c'est dans ce coin que les femmes sont poussées et violées. Et il y a un restaurant assez connu contre lequel plein de femmes sont venues, dans lequel plein de femmes sont venues se réfugier, etc., et qui se trouve dans ce coin-là. Donc, vraiment, quand on va à la place Tahrir, on voit ce coin où les femmes sont violées. Et... le caractère systématique, il vient aussi du fait que le scénario se répète, c'est toujours le même. Donc c'est des hommes en bande qui attrapent les filles, les isolent en fait du groupe dans lequel elles sont, avec d'autres filles ou avec d'autres garçons. Ils cassent le groupe, ils isolent les filles, ils les entourent et ils se mettent à leur enlever leurs vêtements et à les violer. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a toujours de plus en plus d'hommes et tous les hommes disent qu'ils sont là pour protéger la fille. Tous les hommes disent qu'ils sont là pour l'aider alors que c'est eux qui sont en train de la violer. Et dans les témoignages, c'est tout le temps ça. J'étais avec mes amis, tout d'un coup, des hommes sont venus, m'ont attrapée, j'ai plus pu voir mes amis et ils disaient tous qu'ils étaient en train de m'aider, ils étaient en train de me violer, ils essayaient de m'embrasser, etc. etc. Et ce phénomène s'amplifie, c'est-à-dire qu'au début, il y en a 10, 20, 30, et ensuite, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent, et les femmes, dans leurs témoignages, se décrivent comme des morceaux de viande qui sont en train de se jeter les uns aux autres, et elles les décrivent comme des animaux. Ce sont des animaux qui sont en train de s'emparer de leur chair et en train de les déchiqueter, quoi. Et elles voient toute la mort. Parce qu'avoir une foule qui est en train de la violer et être encerclée par la foule et que la foule soit en train de la déchiqueter, c'est... voilà. Donc, je voulais juste appuyer là-dessus. C'est que ce scénario, c'est le même qui se répète, c'est de la même manière, c'est au même endroit. Et donc, c'est pour ça que quand on se demande qui perpétue ces violences, c'est évidemment... Enfin, est-ce que cette violence est organisée à l'avance? Est-ce qu'elle est préméditée? Ou est-ce qu'elle est juste le résultat de la foule surexcitée, etc. Et le caractère systématique et le fait que les survivantes rapportent ces mêmes témoignages fait penser que, oui, c'est prémédité. À qui ça profite? Évidemment, ça profite à tous ceux qui sont contre la révolution, qui veulent que ça foire. Donc ça passe par... Et dans les témoignages, hein, les femmes reconnaissent. Donc, ça passe par les miliciens des Frères musulmans qui veulent défendre le gouvernement actuel, l'armée, les salafistes. Moi, j'ai entendu un témoignage d'une fille qui a été attrapée par des salafistes et c'était des femmes qui étaient avec eux qui la tenaient. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire aussi, là, je ne parlais que des viols où c'était des groupes d'hommes, mais il y a aussi des femmes qui participent ou qui sont... Voilà. Il y a les pro-Moubarak, les anciens militants pro-Moubarak qui eux aussi veulent casser la révolution. Il y a les voyous, ceux qu'on appelle les voyous, qui sont payés par le régime, etc., etc., etc. Donc il y a tout, c'est vraiment l'alliance patriarcale, quoi. Est-ce que ça signifie dans ce cadre-là que le viol est véritablement une arme et point barre dans ce cadre-là? Bah oui. C'est une arme politique pour casser... En fait, c'est pour casser les femmes en tant que révolutionnaires. C'est pas la révolution abstraitement, c'est les femmes révolutionnaires qui demandent leurs droits dans ce pays, déjà. Mais c'est aussi pour casser l'image même de la révolution. Et alors, les frères musulmans, au début, disaient que Place Tahrir, c'était une grosse partouze, quoi. Que les gens qui y allaient, c'était la débauche. Donc, c'est toujours ramené à ça pour casser les revendications, pour les faire passer comme illégitimes, dire que c'est des gens qui veulent juste mettre le chaos, que, évidemment, les femmes qui y vont veulent se faire violer. Alors, en fait, la différence avec avant, parce que le viol de masse a toujours été utilisé comme une arme pour réprimer les femmes en Égypte, ça, c'est clair. Par contre, jusqu'à Moubarak, les médias étaient tenus par le régime. Et donc, on n'en parlait pas. Et il n'y avait pas moyen de faire éclater ce pu, quoi. Faire montrer... et puis, de toute façon, les tortures, et de manière générale, ça, c'est une violence spécifique aux femmes. Toutes les violences faites par le régime de Moubarak, on les taisait. Moubarak était l'allié des Occidentaux, donc voilà. Maintenant, depuis la Révolution, il y a des médias. Il y a des médias alternatifs, il y a des réseaux sociaux. Il y a eu au moins ça. De la liberté d'expression qui a été arrachée, quoi. Pas qui n'a pas été donnée, qui a été arrachée. Et c'est pour ça que maintenant, on entend. Maintenant, et c'est tout le travail de la société, des militants, des révolutionnaires qui se mobilisent, c'est d'en parler, c'est de faire émerger ces histoires, c'est de casser les images qu'on renvoie des femmes qui survivent. Parce que justement, donc on en parle beaucoup, mais il y a aussi les voix des islamistes qui en parlent. Et alors, eux, ce qu'ils en disent, c'est que donc les femmes qui y vont le veulent. Il y a même une députée, une femme, donc, sœur musulmane plutôt, qui a dit qu'une femme ne pouvait pas demander qu'on la protège à partir du moment où elle se mettait dans une foule d'hommes, que ce qu'elle attend. Le pire que moi j'ai entendu, c'était un prédicateur salafiste qui disait... Alors j'en ai vu une, on lui a fait sa fête, elle est ressortie de là, elle était bien enceinte jusqu'au cou. Et ça montre bien, voilà, que c'est utilisé pour, c'est une arme, et puis comment le fait d'être enceinte, c'est associé à, on la décapacite, quoi. Voilà, voilà, ce, et dans cette... Et dans cette société, évidemment, enfin, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, la honte, c'est évidemment, est sur le dos des femmes, quoi. C'est elles qui l'ont bien cherché. Le premier argument, hein, qui est invoqué, c'est la tenue vestimentaire des femmes. Tandis que l'Égypte est une société où quasi toutes les femmes se voilent. Vraiment, c'est une très, très grande majorité. Et tout à l'heure, j'ai cité des chiffres. Hein, qui montrait bien l'ampleur du phénomène et des agressions sexuelles et des violences sexuelles. Et parmi toutes ces femmes, environ 70% des femmes qui déclarent ça sont voilées. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec les femmes, mais c'est vraiment le fait qu'elles participent, on veut les punir de leur participation à la scène politique, on veut les empêcher de revenir, on veut leur faire peur, on veut casser l'esprit révolutionnaire parce que... Il y a aussi des révolutionnaires hommes qui ensuite disent « il ne faut pas en parler, ça nous donne une mauvaise image ». Donc, en fait, on s'attaque aux femmes pour déstabiliser l'ensemble. Mais par contre, les femmes ne se laissent pas déstabiliser. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, en fait, en Égypte aujourd'hui. C'est que depuis que, justement, cet espace s'est ouvert, cette liberté d'expression et d'organisation s'est ouverte, et, enfin, s'ouvre de force, quoi, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collectifs. De mouvements, pas des ONG, justement, ils veulent pas se faire appeler ONG pour pas qu'il y ait cette idée d'étrangers, etc. C'est vraiment des mouvements locaux qui veulent organiser la protection des femmes sur les scènes politiques, dans les lieux de manifestation, dans les lieux de protestation. Et donc, il y a plusieurs types. Par exemple, il y a les gardes du corps de la Révolution, donc ils sont sur la place Tahrir, ils ont des chasubles, ils sont visibles, il y a des numéros où on peut les joindre, en cas de... et ils agissent toujours en bande, quoi. Donc ils sont minimum 10-15, et ils vont là où on leur a signalé qu'il y avait une femme qui était en train d'être attaquée. Mais évidemment, en tout cas là, le 25 janvier 2013, le deuxième anniversaire de la Révolution, il y a eu tellement d'attaques, il y a eu plus de 20 viols signalés. Donc le soir de l'anniversaire de la Révolution, donc combien il y en a eu en vrai, hein, sur la place, qu'ils ont été complètement débordés. En fait, ces groupes même, eux-mêmes ont été attaqués et des filles ont été violées parmi les groupes de gardes du corps, quoi. Donc clairement, ils ne sont pas assez nombreux. Par contre, ces groupes sont vraiment, de manière générale, caractérisés par une forte implication des hommes. Et c'est ça qui est intéressant aussi en Égypte, c'est qu'on veut... prendre conscience et sensibiliser et faire éclater ce tabou avec les hommes. Et donc, beaucoup d'hommes parlent de masculinité, de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on est violent avec les femmes, etc., etc. Et ça, c'est aussi un déclic qu'il y a eu pendant ces deux dernières années, et qui est intéressant. Mais donc, il y a les gardes du corps de la Révolution, il y a aussi... Il y a différents types d'interventions. Il y a ceux qui font de la self-défense. Et ce qui est aussi intéressant, c'est des sortes d'alliances qui se passent sur la place et qui étaient inattendues. Comme par exemple, ce 25 janvier dernier, beaucoup de femmes qui ont été attaquées ont été se réfugier dans des immeubles. Et c'est les hooligans, entre guillemets, donc les supporters de foot du Caire qui se battent avec la police et qui en découdent, qui sont venus les protéger et qui ont empêché les violeurs de rentrer dans les immeubles. Et donc, c'est eux, ce qu'on appelle les ultras et les black blocs égyptiens qui ont émergé là, qui défendent les manifestants, les révolutionnaires et les femmes en particulier, quoi. Et donc, ça, c'est aussi des alliances de circonstances. Qu'on n'aurait pas forcément imaginé et qui fonctionnent, enfin, et qui sauvent des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été tellement grave le 25 janvier dernier qu'à un moment, place Tahrir, quelqu'un a pris un micro et a dit « il faut que les femmes partent, on ne peut plus les protéger ». C'était l'agression de masse, quoi. Et pour vous dire juste mon ressenti personnel, moi j'ai été sur la place Tahrir pendant la journée. Et j'ai senti, vers la fin de journée, j'ai senti que voilà, ça commençait à être dangereux, la nuit tombait, il n'y avait pas de protection, donc j'ai préféré partir. Et ensuite, j'étais dans un appartement avec des amis, et il y a un garçon égyptien qui reçoit des coups de fil, qui lui disent que des amis à lui sont en train de se faire bastonner, etc. Il s'est levé immédiatement, il est parti. Et nous, on a reçu des coups de fil, on était avec des filles nous disant que des filles étaient en train de se faire violer, et on se disait « ah, heureusement qu'on est à la maison ». Et ce sentiment-là que j'ai eu de me dire que moi, je ne me suis pas levée, je ne me suis pas dit « il y a des filles qui sont en train de se faire violer dehors, on doit y aller », ça m'a fait prendre conscience à quel point j'ai intériorisé le patriarcat. Et oui, je sais comment faire pour être en sécurité. Je sais que je risque. Et c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment compliqué et c'est collectif. Et en tout cas, c'est impressionnant de voir à quel point les jeunes femmes prennent des risques et n'ont pas peur, quoi. Elles le connaissent, le viol comme arme politique du patriarcat, elles connaissent. En tant révolutionnaire, ça s'intensifie, ça devient systématique, ça devient le fait, donc, comme je l'ai dit, des militaires, mais aussi de plein, de toutes les forces contre-révolutionnaires. Mais elles savent que c'est par là qu'il faut passer, que la révolution, elle passe aussi par là, et que la révolution, elle continue. Et juste pour vous parler de la dernière action qui a eu lieu, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a eu manif au Caire, etc. Mais le 12 février, il y a eu une journée pour manifester, un appel à manifester en fait mondial en Égypte et devant les ambassades égyptiennes partout dans le monde. Et là, durant cette manifestation contre le terrorisme sexuel que subissent les femmes en Égypte, et là, les femmes, elles sont sorties avec des couteaux. Et donc, c'était ça le slogan et le fer de lance de la manif, c'était maintenant, on sort les couteaux, on ne se laissera plus faire, la patience, c'est fini. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, elle s'appelle comme ça, c'est l'insurrection des femmes. Et c'est partout dans le monde arabe, ça prend plein de formes différentes. En Égypte, parce qu'on est en contexte révolutionnaire depuis 2 ans, instable, transitoire, enfin, c'est toujours les militaires qui sont au pouvoir, etc. Enfin, les choses ont juste changé de forme, mais voilà. Alors, c'est visible et il y a des canaux, surtout, c'est très médiatisé. Donc là, quelque part, la communauté internationale, entre guillemets, elle sert dans le sens qu'elle amplifie. Mais ce qu'il y a déjà là-bas, c'est parce que c'est sur place des Égyptiennes et des Égyptiens qui résistent qu'on arrive à amplifier. C'est pas, ça vient pas de l'extérieur, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a donc, il y a aussi, par exemple, depuis, ça c'est depuis 2008, une carte interactive qu'il y a sur Internet où des militants, peuvent signaler les cas d'agression et de viol qu'il y a au Caire, dans quel quartier, quel type de violence, quelle intensité. Donc on peut voir où se passe quoi pour essayer d'éviter les quartiers ou quoi. Il y a plein, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Attaque un harceleur. Et donc, dès qu'on en trouve un, on le tatoue, on le comment dire ça ? On le tag avec de la peinture, etc., pour le signaler. Enfin, voilà, c'est tout plein de collectifs qui veulent sensibiliser, visibiliser, et surtout essayer, puisque l'État fait rien, puisque la police fait rien, puisqu'au contraire, tout le monde s'attaque aux femmes, alors essayer de s'organiser entre soi. Et c'est vraiment parce que ça vient des gens eux-mêmes qu'il y a une chance que ça change, en fait. Et puis comme je l'ai dit, grâce aux médias qui se sont vraiment diversifiés et à cette on peut donner d'autres, on peut dire d'autres choses, on peut mettre des mots. Enfin, le mot harcèlement sexuel, taharrosh al-jinsi en arabe, moi je le connaissais pas du tout avant les révolutions, parce que les mots n'existaient pas pour le penser aussi. Et alors dans les lois, contrairement à RDC, là c'est une histoire un peu particulière en Égypte ou par exemple en Tunisie, c'est-à-dire que c'est des régimes dictatoriaux mais soutenus par les pays occidentaux. Et donc souvent, la concession c'était « ok, on met des droits pour les femmes », mais alors tout à fait théorique, etc. Mais il y a des choses. Et donc en Égypte, il y a la femme de Sadat, la femme de Moubarak, avait des fondations et œuvrait pour les femmes. Et le viol est condamné, ainsi que les insultes et les comportements indécents, mais pas les agressions sexuelles. Donc il faut qu'il y ait pénétration pour qu'on puisse dire qu'il y a viol, avec tout ce que ça implique, on est d'accord, de charge de la preuve. Mais agression sexuelle... Tout ce qui est le fait quotidien, permanent, dans les transports publics, les rues, les emplois, etc. On sait que quand on a un job en Égypte, il faut faire des trucs au patron. Sinon, voilà. Fin... On en revient toujours à la même chose. Une agression sexuelle ne peut pas être un viol. Voilà, exact. Et donc, ça, c'est reconnu. Il y a une législation. Mais cette législation a été mise en place dans un contexte autoritaire, dans une dictature. Donc, il y a quelque part eu une alliance féministe et dictature. Et c'est pour ça que le retour de bâton, il est aussi là, après la révolution. C'est que les anciens mouvements féministes, ils sont considérés comme les complices de Moubarak. Donc, arrêtez de nous parler de droits des femmes. Nous, on parle des Égyptiens. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que les révolutionnaires se réapproprient ces luttes-là et qu'elle soit plus vue comme celle de l'État ou celle imposée par le haut. Et le gros challenge, c'est le discours religieux. Parce que alors, les tenants du discours religieux, qui sont évidemment du côté des forces contre-révolutionnaires, sont leur fonds de commerce, c'est les femmes et le corps des femmes. Et des salafistes ont parlé d'âge de relations sexuelles en RDC tout à l'heure, que c'était à 16 ans. Les salafistes, eux, ils ont carrément enlevé de la constitution l'âge du mariage. Qu'en fait, ils peuvent se marier avec des petites filles de 9 ans s'ils veulent. C'est, selon eux, c'est islamiquement compatible. Donc, Non, mais je voulais poser une question. Ouais. Une question. C'est-à-dire que moi, j'ai été en Égypte dans les années 70, qui était quand même un régime, bon, je veux pas, qui était assez dur, quoi. Mais il y avait quand même, comment ça s'appelle, une laïcité qui existait. Et je pense que dans toutes les guerres qu'il y a eu contre Israël et tout, il y a eu quand même un comment ça s'appelle, dans tous les pays arabes qui ont perdu des guerres contre Israël et tout. Et moi, je pose cette question. C'est-à-dire que tous les comment s'appelle le système religion, la religion a pris une chose sur ce problème de guerre. Tout d'un coup, c'était la seule façon de faire une guerre complètement religieuse. Et que, comment s'appelle, par exemple, en Égypte, moi, je me souviens, en Égypte, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas du tout de comment s'appelle, bon, à part les frères musulmans qui étaient religieux, mais il n'y avait pas des religieux. C'est-à-dire que moi, je me souviens, au Caire, les femmes n'étaient pas voilées, n'avaient pas... Ouais. Bon, il y avait des femmes qui étaient comment s'appelle, religieuses, ou des hommes qui étaient religieuses, des hommes ou des femmes... Mais il y avait une sorte de comment s'appelle occidentalisation, bon, qui est bien ou mal, bon, on peut le critiquer, mais et que maintenant c'est complètement un problème de religion, c'est-à-dire que la religion, les religieux très islamiques ont passé à une chose très très très dure, quoi, dure au niveau de comment s'appelle de la religion et tout. Et je pense pas que l'islam est comme ça, c'est-à-dire que c'est une partie de l'islam qui est absolument intolérant, mais disons qu'on peut dire que l'islam en général est absolument tolérant, tu vois. Moi, c'est mon point de vue, Oui, moi, je reste focalisée sur l'universel de la situation patriarcale. De ce que tu dis, de ce que ces femmes font, j'entends exactement ce que Camille Patiglia disait. C'est-à-dire que tu, en tant que femme dans un système patriarcal, tu prends le risque d'être violée chaque fois que tu fais quelque chose qui est socialement répréhensible d'une façon ou d'une autre. Et tu vois, quand tu disais qu'il y avait, enfin tu l'as pas dit, mais tu l'avais dit une autre fois, qu'il y a des femmes qui allaient quand même, à qui tu disais ça commence à devenir dangereux, et elles allaient quand même à la place en disant rien à foutre, j'y vais. Il y a quelque chose de cet ordre là et puis aussi sur ce sentiment, le problème de la solidarité entre femmes, c'est-à-dire que les mecs se font tabasser, ils y vont mais aussi ils y ont été éduqués, enfin je veux dire, dans l'éducation du mâle patriarcal, il y a aller se prendre des coups, faire semblant que ça fait pas mal alors qu'en fait ça fait vraiment atrocement mal de se battre, enfin tu peux perdre des dents, enfin les yeux au beurre noir et ce genre de choses, ça fait, c'est quand même douloureux. Et du coup forcément nous, avec l'éducation qu'on a du viol, ou déjà un viol c'est déjà énorme, effectivement envisager le viol multiple c'est un truc inconcevable, alors qu'en fait ça se fait. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons dans notre histoire personnelle déjà des viols multiples. Et du coup j'imagine que ces femmes qui retournent Finalement, elles ont réussi à passer au-delà de ça, peut-être. Ouais. Après, ce que tu disais sur la volonté, la fierté ou le fantasme de mettre enceinte une femme dans le cadre d'un viol, peut-être qu'aussi les femmes qui y retournent, elles sont enceintes et elles cherchent la fausse couche. C'est... Faudrait dire ça aux prédicateurs salafistes. En tout cas, par rapport à l'islam, l'islamisation, l'islamisme, bon, moi je m'y connais un peu, mais pour faire vite, disons que de toute façon, c'est un discours, là c'est un discours idéologique qui justifie des violences. Là, il y a une religion à partir desquelles on dérive plein de discours. Et là, c'est on prend un bout et on le radicalise et on en fait une justification de violence. Donc, il ne faut vraiment pas confondre ça avec la religion en général. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un contexte économique, politique qui a favorisé l'émergence de tels discours, de telle idéologie. Il y a des gens qui ont payé pour que des gens viennent des prédicateurs, pour que des mosquées soient construites, pour qu'il n'y ait pas d'éducation. Enfin, énormément de gens en Égypte qui n'ont pas accès à l'éducation, qui sont analphabètes, etc. Enfin, il y a une situation économique et une volonté politique qui font que on a vu l'Égypte changer, et ça c'est vrai. Les femmes dans les années 60-70, elles mettaient des mini-jupes, tous les endroits étaient mixtes, ça veut qu'après. Enfin, il y a vraiment eu un gros changement en 3-4 décennies, c'est dans beaucoup de pays du monde arabe. Ça c'est clair. Maintenant, moi, des révolutionnaires, des femmes que j'ai rencontrées, tout ce sur quoi elles se battaient, c'est ce projet salafiste de vivre comme en Arabie Saoudite. C'est ça qu'elles disaient toutes. On veut nous, les salafistes, ils voulaient, pendant que j'y étais là, faire des bus que pour les femmes. Donc, avec horaire pour femmes, avec destination pour femmes, donc, ils ne veulent pas que les femmes travaillent, ils veulent leur enlever le droit de divorce. En fait, leur programme politique, c'est le patriarcat. C'est ça, c'est sous l'intitulé charia, mais c'est le patriarcat, c'est clairement ça. Et donc, si tu veux, on l'identifie, là c'est identifié comme tel, mais il y a aussi, il peut y avoir de l'islam de gauche, il peut y avoir de l'islam anarchiste, il peut y avoir de l'islam écolo, du patriarcat. Eh bien, tu serais étonnée. tu serais vraiment étonnée. Mais en tout cas, là, c'est de l'islam, on pourrait dire, si on fait une analogie un peu rapide, d'extrême droite. C'est-à-dire, si les frères musulmans, ils sont sur la droite, eux, ils ont vraiment, les salafistes, ils leur ont... C'est ça, en fait, la nouveauté avec la révolution. C'est qu'avant, les salafistes, ils s'occupaient que de religion. Ils ne voulaient pas s'occuper du politique. Et tout d'un coup, quand l'espace s'est ouvert, ils ont dit, ah, mais nous aussi, on va faire notre parti, en fait. Puis après, leur parti s'est divisé en plein de sous-partis, et maintenant, ils représentent vraiment la droite radicale. Et ils ont aussi des milices. Et la révolution, c'est le chaos. Alors, ils ne vont pas laisser ça comme ça, etc. etc. Et donc, ils rajoutent... Et les frères musulmans paraissent presque modérés maintenant, en fait, parce qu'il y a encore plus extrême qu'eux. Donc, la situation, elle s'est aussi complexifiée du côté des islamistes, en fait. Et ils sont aussi sur un marché, en train de se partager les parts. Donc, c'est juste pour dire, c'est le discours religieux... évidemment, c'est la place du religieux dans la société, mais ça, c'est le fruit de la dictature et puis c'est le contexte aujourd'hui, quoi. Et l'influence de plus en plus du Golfe et sur ces pays-là. Sur cette position qu'on a fait toute une émission là-dessus. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir la religion par rapport aux femmes. C'est super intéressant. Ouais. Le problème des dogmes, je ne connais pas une religion actuellement, peut-être le bouddhiste, mais je ne connais pas très bien. Mais toutes les religions sont contre la femme, tu vois. Les religions ne tiennent qu'à l'interprétation qu'on en fait, quoi. Moi, je connais aussi des féministes musulmanes qui trouvent dans le Coran et dans leur rapport à Dieu l'égalité entre hommes, femmes, toute origine, toute classe sociale, etc. Et donc, le message, c'est comment on l'interprète. Mais pour moi, c'est-à-dire qu'il y a autant de religions que de pratiques, quoi, que de personnes. Et donc, c'est les contextes qui favorisent. Qui laissent pourrir la situation ou qui, au contraire, font en sorte que la religion est synonyme de vivre ensemble, égalité, etc. Enfin, voilà. Et là, clairement, en Égypte, ce n'est pas la religion qui déshumanise les gens, c'est le système qu'il y a eu pendant 40 ans. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tous les révolutionnaires, ils ne sont pas athées, ils sont musulmans aussi. C'est pas contradictoire, en fait. C'est ça que, en tout cas, les jeunes qui sont les moins de 30 ans, c'est plus de 60% de la population, c'est ça leur projet. C'est pas s'occidentaliser, c'est être eux-mêmes, mais accéder à leurs droits fondamentaux. En fait, ils se battent contre l'État policier qui est là et qui bloque les ressources et qui se justifie par la religion. Et donc, ils sont pas les, moi, les gens que j'ai rencontrés, ils sont pas anti, ils sont pas athées, quoi. C'est pas du tout ça. Mais ils luttent contre les frères musulmans, pourtant. Ils luttent contre les salafistes. Donc, ils font la différence, voilà, entre la religion et le dogme patriarcal, antidémocratique, autoritaire, religieux qu'il y a, que ces groupes représentent. Mais juste peut-être pour revenir sur l'auto-organisation, parce que j'ai pas parlé de beaucoup des groupes, mais donc il y a aussi les groupes qui sont là pour recueillir les survivantes, les aider dans le suivi psychologique, social, etc. Là, il y a deux semaines, il y a deux femmes qui ont témoigné à la télévision publique des attaques collectives qu'elles ont vécues. Et ça aussi, c'était une immense première en Égypte, quoi. Des femmes égyptiennes, pas des étrangères pour une fois, des femmes égyptiennes qui parlent en leur nom et qui parlent de ce qui s'est passé. Alors, sur la place... alors, il y avait eu d'autres femmes qui avaient parlé, mais c'était toujours pour dénoncer les militaires. Donc, du coup, là, c'était encore dans le... c'était dans l'esprit voilà, révolutionnaire. Par exemple, il y a cette fille très connue, Samira Ibrahim, qui a parlé, qui a porté plainte contre les militaires à cause des viols, donc les tests de virginité. Ça, on en a parlé au tout début. Donc, c'était quand on disait que les femmes sur la place Tahrir étaient des prostituées. Donc, on les ramassait, on leur faisait des tests de virginité pour voir si elles étaient ouvertes ou pas, quoi, en fait. Et donc, c'était des viols et elle a porté plainte. Et le cas a abouti. Et donc, les gens ont été jugés et condamnés. Et ça, c'est aussi... y a aussi un conflit entre le juridique qui essaye de porter les revendications des révolutionnaires et l'État qui essaye d'enlever le pouvoir du juridique. Donc, on est vraiment dans un contexte de tension et de transition et on se bat sur le corps des femmes, quoi. Et les femmes se battent avec leur corps. Et il y a des femmes Black Bloc qui se battent avec la police. Il y a des femmes hooligans, comme je disais, enfin ultras, qui transgressent toutes les normes de ce que c'est être une femme et qui se battent et qui n'ont plus peur. Ça, c'est trop bien. Merci, c'était hyper intéressant. On passe un petit morceau de musique. et chanter mes vacances qui reprendront lundi. Les bombes de balles ce soir dans les studios ont mis cette ambiance. Voilà, bonsoir. Vous êtes toujours sur Tranche d'Anard. Nous allons maintenant sûrement clôturer l'émission parce que ça fait plus de 3 heures que nous discutons de ce sujet un peu douloureux mais ô combien important. Elle en a parlé tout à l'heure. Nous n'avons pas pu passer tous les interviews que nous voulions, nous n'avons pas pu passer un interview que nous avions fait dans les locaux de SOS Viol. Alors, je m'en excuse pour ce soir, mais la semaine prochaine, nous allons, puisque de toute façon, le viol ne s'arrête pas au 8 mars, il continue. Absolument. Nous allons passer cette interview et nous demandons aux personnes qui sont concernées de nous excuser pour ce soir, mais si elles veulent, elles peuvent écouter ça pour la semaine prochaine, aux mêmes heures, entre 21h et 22h30. Voilà, donc maintenant je pense que nous allons terminer l'émission parce qu'il est déjà tard. Donc on pourrait demander à notre Axel. Non, il n'est pas là, notre pisseur de chien ce soir. Donc on va vous remercier. Le pisseur de chien, il veut dire quelque chose là ? Vas-y, il arrive. Ouais. Alors, ça a été une émission assez spéciale sur les femmes et on est très contents parce que c'est la journée des femmes. Et il faudrait que ça soit tous les jours les femmes, parce que bon, c'est important. Et alors, allez faire pisser votre chien sur tous les sexistes qui existent dans le monde. Et encore merci à toutes les intervenantes qui sont venues. Merci pour Alia, Elodie, Lydia, et puis Sarah qui n'a pas beaucoup parlé, mais qui était quand même là présente à écouter, super contente. Voilà, merci à vous d'être venue. Et Paulette, excusez-moi, j'ai oublié Paulette. Voilà. N'oublions pas que Paulette, demain matin, à son émission à Africa Jama. D'accord. Bonsoir. Si je peux me permettre un copinage demain ou tout à l'heure, ça dépend comme vous voyez les choses. Donc samedi 9 mars à la Bauhaus. Voilà, c'était un peu de bricolage. Donc à partir de 15h à la Bauhaus au 5 boulevard Barthélemy, il y a une lecture de textes érotiques en non-mixité. Et puis, à la Gougoute APP, le dimanche, à partir de 19h, il y a des lectures également, cette fois-ci en mixité. Donc, vous pouvez choisir votre kiff, éventuellement les deux. Donc, le collectif Indokeken, demain, 15h, Bauhaus, 5 boulevard Barthélemy, en non-mixité fille. Et la Gougoute APP, dimanche, à 19h, en mixité. Des textes érotiques.